La politique, ce qu'on appelle sur la Terre la politique. Aujourd'hui, et la politique que l'homme vivra demain après la fin du cycle, c'est deux paires de manches différentes. La politique s'échelonne à beaucoup, à plusieurs niveaux dans le cosmos. Et les gens qui vont vers la conscience supramentale éventuellement auront contact avec l'invisible. Et à cause de ce contact avec l'invisible, ils auront à reconnaître des lois d'évolution concernant la planète Terre et les nations et les cultures. Et ils auront aussi à reconnaître des aspects de cette évolution qui coïncideront avec l'évolution de la sixième race au cours des millénaires qui viendront. Aujourd'hui, pendant que l'homme est en voie de préparation, pendant que son cerveau est en voie de préparation, pendant que son cerveau est en voie d'évolution sur le plan des neurones, alors que le troisième cerveau de l'homme est en construction et en préparation pour éventuellement vivre les communications télépathiques avec l'invisible, il devient important pour l'homme non pas de comprendre les lois politiques universelles, c'est-à-dire les lois de civilisation, pour sa propre vie personnelle. Mais il devient important pour lui de les comprendre à cause du fond, du tableau extrêmement vaste qui devient saisissable par l'homme, par son intelligence supramentale, une fois qu'il entre en contact avec les forces qui régiront l'évolution de la Terre et qui font partie de l'invisible planétaire, éthérique, terrestre. Le mot politique n'existe pas dans l'éther. Le mot politique prend forme sur le plan matériel lorsque l'homme tend, essaie de résoudre des problèmes de vie en fonction d'une philosophie quelconque. Lorsque l'homme entre dans l'intelligence pure et que ses pensées sont ajustées par l'intelligence et ne sont plus conditionnés par son intellect philosophique et psychologique, cet homme est obligé éventuellement, à cause des pouvoirs de l'intelligence et à cause aussi de la solvabilité de ses corps subtils, c'est-à-dire à cause de l'exploitation qu'il peut faire de ses corps subtils, lui permettant d'entrer en contact avec des personnes à distance en esprit, le phénomène de la politique, de la politisation de la Terre devient un phénomène extrêmement important et aussi, non pas important dans un sens individuel, comme je disais tout à l'heure, mais important dans un sens, ou dans le sens, que cet homme porte en lui une intelligence qui peut être véhiculée à distance vers d'autres individus afin de soit de corriger ou d'établir ou de démontrer la nécessité d'un plan politique pour une nation quelconque, à quelque endroit que ce soit sur la Terre. Alors, le phénomène de la politisation de la Terre, lorsque le contact entre l'invisible et le matériel sera établi, devient un phénomène de premier ordre, deviendra un phénomène de très grande importance, et les hommes qui participeront à cette intelligence, qui seront en contact avec le gouvernement invisible, seront obligés de vivre leur vie en fonction d'une orientation créative qui se manifestera sur le plan politique mondial dans différentes nations selon le temps et le lieu prescrit pour ces individus-là dans ce temps-là. Alors, c'est dans ce cadre-là que je veux commencer à parler un peu de politique, ou plutôt de la politique. Et si je vous parle de la politique aujourd'hui, c'est pour forcer votre intelligence à concevoir des plans beaucoup plus vastes de l'évolution afin de vous permettre lentement de commencer à réaliser l'importance de l'individu dans l'évolution d'une planète et le pouvoir éventuel de l'individu en relation avec l'évolution de cette planète. L'homme a vécu pendant des siècles sous l'empire du pouvoir. C'est-à-dire que l'homme a été, pendant des siècles, dirigé dans son évolution par des forces planétaires qui s'étaient agglomérées, qui s'étaient organisées pour donner à la civilisation, à la culture ou à la nation une structure quelconque. Après la fin du cycle, l'homme ne sera plus dirigé par les hommes comme il l'a été auparavant. Quand je dis l'homme, je ne parle pas de l'homme qui sera en dehors de l'intelligence, mais je parle de l'homme qui sera à l'intérieur de l'intelligence, qui aura contact avec l'intelligence et qui aura la capacité de sortir en esprit et d'entrer dans les plans parallèles où œuvrent ceux qui sont responsables de l'évolution invisible de la planète Terre. Et c'est à ces hommes, à ces êtres que je parle et que je parlerai avec les années, même si le dialogue doit être continué à l'intérieur du mécanisme de la mémoire matérielle que je donne. Une civilisation telle que nous le comprendrons lorsque nous aurons contact avec l'invisible, c'est une dimension de l'esprit qui exécute sur un plan inférieur, c'est-à-dire sur le plan matériel, des ordres. C'est une dimension de l'esprit qui exécute des ordres dans ce sens que l'intelligence ayant été découplée de l'intellect et de l'émotion humaine sert des forces supérieures, c'est-à-dire sert les forces de la lumière et permet que ces forces engendrent sur un plan matériel inconscient des conditions d'évolution suffisamment puissantes pour être ressenties à l'échelle de la planète entière par des moyens, par des mécanismes qui sont totalement occultes, c'est-à-dire par des mécanismes qui relèvent du pouvoir de l'esprit sur la matière. On ne peut plus à cette échelle de l'évolution considérer la politique comme étant simplement l'expression d'un langage philosophique pour le bénéfice d'une nation. La politique, à ce niveau-là, devient l'expression, dans le temps, du pouvoir de l'intelligence sur l'esprit de l'homme et hein? C'est de l'eau qui coule dans la machine. Cette expression dans le temps coïncide avec le pouvoir de l'esprit de l'homme. Nous sommes aujourd'hui en 1982 et l'homme en 1982 n'a pas conscience du pouvoir de son intelligence. Et n'ayant pas conscience... Ça va-tu durer de la journée? Ça vient d'où, ça? J'espère qu'il n'est pas trop propre. Et l'expression de cette intelligence dans le cadre d'une société en évolution où l'individu n'est plus régi par les lois sociales devient un instrument extrêmement puissant pour les forces de l'intelligence, c'est-à-dire pour les forces de la lumière, pour les êtres extrêmement évolués qui s'occuperont, après la fin du cycle, de l'évolution de la Terre. Après la fin du cycle, les hommes ne pourront plus s'occuper de l'évolution de la Terre parce que les hommes auront pris conscience d'un parapluie au-dessus de leur tête. Les gouvernements seront conscients d'un gouvernement invisible, les grands hommes politiques seront conscients d'un gouvernement invisible, et les êtres conscients sur la Terre seront conscients d'un gouvernement invisible, de sorte que l'évolution future de la planète après la fin du cycle ne se fera plus selon le mode politique que nous avons connu au cours de l'évolution de la cinquième race. L'intelligence de l'homme sera tellement grande, c'est-à-dire elle sera tellement instantanée, précise, et l'homme pourra canaliser cette intelligence d'une façon tellement parfaite que le contact entre les hommes instituera automatiquement sur le plan matériel des données qui permettront la réorganisation sociale en vertu d'un plan d'évolution qui sera extrêmement subtil mais extrêmement concret. Et l'homme d'aujourd'hui, l'homme qui va vers la conscience supramentale, doit commencer à apprendre, à être expliqué les mécanismes fondamentaux de la loi politique, c'est-à-dire de la loi de transmission d'informations concernant la résolution des conflits terrestres entre les nations et les hommes, et aussi doit comprendre que tous les hommes, éventuellement, doivent être régis par cette loi, c'est-à-dire par cette intelligence. Les hommes qui ne seront pas régis par cette intelligence à cause de leur manque de conscience subiront l'effet de cette intelligence et en bénéficieront. Les hommes qui seront régis par cette intelligence, qui seront dans l'influence vibratoire de cette intelligence, vivront de cette intelligence et leurs activités sur la Terre coïncideront avec cette intelligence. De sorte que l'homme de la sixième race, l'homme supramental de la sixième race, après le déconditionnement matériel de son corps, de son esprit, sera un être qui sera effectivement un être politique. Il sera un être politique, qu'il soit en science médicinale, qu'il soit en science d'ingénierie ou qu'il soit dans n'importe quelle science, il sera un être politique parce qu'il comprendra que l'application sur le plan matériel de certaines techniques permettant d'ajuster la nature de la vie, permettant d'ajuster le courant de la vie sur la Terre, doit être fait en fonction d'une intelligence qui régit l'évolution et non en fonction d'un intellect ou d'une passion qui régit les forces et qui établit sur le plan matériel des centres d'influence qui dégénèrent et qui ont dégénéré, comme nous le connaissons aujourd'hui, en un jeu de puissance, en un jeu de pouvoir, où la dualité devient l'emblème même de tout ce qui est politique dans le monde. Nous avons le phénomène au Québec où nous réalisons la dissension, le manque d'unité entre une confrérie nationale et une confrérie internationale ou fédérale. La tension entre le Québec et la tension entre le fédéral provient justement du fait qu'il y a chez les individus un manque de compréhension parfaite des lois de l'énergie concernant l'organisation intelligente d'une nation et automatiquement les individus sont obligés de payer le prix de cette dualité, de cette dissension et de se retrouver dans des camps totalement séparés sur le plan idéologique ou sur le plan philosophique. La conception de la politique demain, la conception de la politique vue du point de vue de l'intelligence supramentale ne peut pas s'appliquer dans un monde qui n'a pas été complètement changé, dans un monde qui n'a pas été totalement retrempé dans une énergie nouvelle. Mais la conception de cette politique, la vue de cette politique, sert et peut servir à l'individu pour un certain nombre d'années, afin de lui permettre de commencer à réaliser que les activités qu'il vit dans le monde social d'aujourd'hui, vis-à-vis l'application de la politique sociale, sont des activités qui doivent éventuellement être libérées d'une émotivité sociale. Je veux dire que les gens qui sont dans la société, qui travaillent, qui œuvrent en société, qui ont des responsabilités sociales, doivent éventuellement en arriver à pouvoir vivre leur vie sociale dans la société sans perdre d'énergie sur le plan philosophique politique de cette société. Et l'évolution de la conscience supramentale ne permet pas à l'homme de s'engager socialement et politiquement parce que la conscience supramentale, lorsqu'elle est très définie, lorsqu'elle est présente dans l'intelligence de l'homme, n'appartient plus à l'ego. La conscience supramentale, l'intelligence supramentale, l'énergie de l'intelligence supramentale envahit l'ego et elle lui donne à cet ego la direction qu'il doit prendre afin de préparer éventuellement ses corps pour que plus tard il puisse agir selon un plan d'action qui sera à ce moment-là défini par l'intelligence. Au stade où les hommes en sont pour le moment, ils ont l'impression d'être responsables de leur vie et de faire de leur vie ce qu'ils veulent et de faire de leur vie ce qui se rapporte selon la mémoire qu'ils ont de l'expérience ancienne, l'éducation, et ainsi de suite. Mais lorsque l'homme aura vécu pendant un certain nombre d'années et qu'il aura préparé ses corps à la synchronisation de l'énergie de l'intelligence avec son comportement humain, il s'apercevra que l'intelligence supramentale est effectivement une puissance, elle est effectivement le pouvoir, et elle a effectivement la capacité de retrancher complètement un homme d'une activité sociale pour le replonger dans une autre activité qui est pas nécessairement asociale, mais qui est au-dessus de la société, bien qu'elle lui permette de maintenir un équilibre relatif entre lui-même et la société. Et le but de ce travail, le but de cet effet de l'intelligence supramentale sur l'ego, c'est justement pour amener petit à petit l'homme à réaliser qu'il doit vivre sa vie selon un mode d'expression qui convient à son intelligence et non selon un mode d'expression qui a été établi et qui lui a été imposé par la société extérieure. Ceci est peut-être difficile un peu pour nous à saisir tant que nous ne sommes pas suffisamment dans cette énergie, mais lorsque l'homme est dans cette énergie, il devient évident qu'il ne peut plus vivre pour le bénéfice et en vertu d'une organisation quelconque des lois sociales qu'a connues la cinquième race humaine. Et ceci produit chez lui une altération dans son ego, ceci produit chez lui une altération dans sa conscience sociale. Ça produit chez lui une altération dans son comportement humain vis-à-vis des lois sociales et il le désengage humainement des lois sociales, bien qu'elles lui permettent de maintenir l'équilibre avec le corpus social et toutes ses lois adjacentes. Nous ne savons pas ce qu'est l'intelligence supramentale. Quelques-uns commencent à en prendre conscience, quelques-uns commencent à le réaliser, mais l'homme ne sait pas ce qu'est la conscience supramentale parce que la conscience supramentale ou son intelligence, par définition, est effectivement le pouvoir de la lumière sur une planète. Étant le pouvoir de la lumière sur une planète, elle est pouvoir... Pardon. Et ce pouvoir se manifeste selon l'évolution de l'individu, c'est-à-dire selon la capacité de l'individu d'absorber son énergie au niveau mental et au niveau émotionnel. Le pouvoir de la descente de la conscience supramentale sur la Terre sera toujours en fonction de la capacité de l'individu de recevoir cette énergie sur le plan mental et sur le plan émotionnel et de la canaliser, cette énergie. Et lorsque cette énergie commence à être canalisée, elle ne peut plus cesser d'être canalisable. De sorte que viendra un moment dans l'évolution de l'homme où l'homme sera poussé par les forces de l'intelligence et automatiquement l'homme deviendra politique. Mais politique dans un sens qui ne convient pas aujourd'hui de reconnaître ou de définir parce que les conditions de vie aujourd'hui sont des conditions qui ne permettent pas une réorganisation intégrale des formes de gouvernement qui existent sur la planète Terre parce que encore l'homme n'a pas le pouvoir de l'intelligence et parce que encore les forces de l'invisible, le gouvernement invisible ne s'est pas manifesté d'une façon finalisante et officielle au gouvernement des différentes nations qui font la planète Terre. Si je commence sitôt à parler de politique, ce n'est pas pour parler de politique. C'est pour que l'homme commence lentement à réaliser l'importance de son intelligence. C'est pour ça que je commence à parler de politique. Pour que l'homme réalise l'importance de son intelligence. Et là où l'homme est le plus affaibli dans son intelligence, c'est lorsque il compare son intelligence ou sa compréhension des choses en fonction d'un certain matériel, d'une certaine mémoire ou d'une certaine catégorie de pensée qui ont été établies par l'histoire, au cours de l'histoire, par d'autres hommes qui avaient un très haut niveau d'érudition. L'homme inconscient est affligé lorsqu'il entre en contact avec un homme qui a beaucoup d'érudition. Parce que l'homme inconscient, n'ayant pas beaucoup d'érudition, n'étant pas conscient encore de son intelligence, est forcé dans un coin et s'aperçoit que l'homme qui a beaucoup d'érudition a un pied en avant sur lui. C'est-à-dire que cet homme a la capacité de se servir de paroles ou de mots ou de phrases ou d'idées ou de concepts et de créer des limites et d'imposer ses limites à son esprit, à lui, qui n'est pas suffisamment érudit. Et l'homme doit un jour dépasser l'illusion de l'érudition, doit un jour dépasser l'illusion de sa petite intelligence pour commencer à prendre conscience de sa véritable intelligence, bien que cette véritable intelligence ne se manifeste pas d'une façon érudite, mais bien qu'elle se manifeste d'une façon intelligente. Et c'est ce point qui est très important. L'homme conscient, l'homme qui entre dans l'intelligence supramentale, doit en arriver à ne pas être diminué dans son intelligence lorsqu'il fait face, lorsqu'il est en face d'autres hommes qui ont un portfolio d'érudition extrêmement épais. Et quand je parle de ceci, je parle surtout, je ne parle pas seulement pour les gens qui sont de simple érudition, mais je parle aussi pour ceux qui sont dans les universités, pour les psychologues, pour ceux qui ont des professions quelconques et qui sont constamment en contact sur le plan du combat intellectuel ou sur le plan du combat de l'idée ou de l'intelligence avec des êtres qui ont une intelligence qui est le produit d'une érudition souvent extrêmement sévère et extrêmement catégorique. Tant que l'homme n'aura pas dépassé l'illusion extrêmement profonde et extrêmement poignante de l'érudition, de l'intelligence, il ne pourra pas manifester son intelligence. Pour qu'un homme puisse manifester son intelligence, il doit être capable de réaliser instantanément lorsqu'il parle, que ce qu'il dit est précisément intelligent et que ce qu'il dit fait partie d'une intelligence qui est canalisée en lui. Il ne doit pas y avoir d'ombrage, il ne doit pas y avoir d'impression en soi de ne pas être intelligent. Et lorsque ou si il y en a qui ont l'impression de ne pas être intelligent lorsqu'ils font face à de l'érudition, éventuellement, ils devront dépasser ce stage parce que l'énergie de l'intelligence doit faire son chemin. Et lorsqu'elle fait son chemin, éventuellement, elle élimine les aspects de la personnalité, les mécanismes dans la personnalité qui maintiennent en ordre ou en place ces illusions de l'érudition vis-à-vis l'intelligence universelle. Nous sommes au début d'un âge, nous sommes au début d'un cycle de vie, et nous, en tant qu'hommes, devons commencer à nous réaliser en tant qu'intelligence et cesser de nous réaliser en tant que personnalité plus ou moins érudite. Et lorsque les hommes auront commencé à réaliser ceci d'une façon intégrale, ils ne se sentiront plus diminués dans leur personnalité, ils ne se sentiront plus petits dans leur personnalité, et à partir de ce moment-là, leur personnalité commencera à être un outil pour l'intelligence supramentale et pour la descente de cette intelligence sur le plan matériel. Le phénomène de l'intelligence ou l'intelligence, c'est effectivement un phénomène. L'intelligence, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une attitude philosophique ou psychologique, ce n'est pas une mémoire, l'intelligence. L'intelligence est un phénomène vibratoire qui comporte sa propre mesure, qui n'appartient pas à l'ego, qui pénètre l'ego et qui éclabousse tout ce qui est sur son chemin. Il n'y a aucune puissance sur la Terre qui peut empêcher la manifestation de l'intelligence. Et la manifestation de l'intelligence, si elle se fait sur le plan individuel, si elle se fait sur un plan plus vaste, doit automatiquement pénétrer les couches de l'inconscience qu'elle frappe, parce que ça fait partie de son pouvoir vibratoire. Tout se mesure dans le cosmos selon la vibration. Rien ne se mesure selon la forme. Et c'est pour ça que j'insiste pour que les gens réalisent que quel que soit leur degré d'éducation, quel que soit leur degré d'érudition, lorsqu'ils seront dans la vibration de l'intelligence, cette vibration sera suffisamment forte pour aller au-delà des formes, pour détruire les formes ou pour créer de nouvelles formes lorsque cette intelligence sera en manifestation, que ce soit sur un plan individuel ou que ce soit sur un plan plus vaste ou que ce soit sur un plan collectif. Il n'y a pas une force sur la Terre qui peut empêcher le développement de l'intelligence. Il n'y a pas de force qui puisse empêcher que l'intelligence manifeste son intelligence, parce que l'intelligence, elle est parfaite. Et quand je dis qu'elle est parfaite, je veux dire qu'elle est parfaite selon le degré de l'évolution de chaque ego. Mais à l'intérieur de cette perfection, elle domine même l'apparente perfection ou le perfectionnement apparent de l'érudition ou du grand intellect humain. J'ai eu énormément de preuves dans ma vie lorsque j'ai vu des gens extrêmement simples parler avec des professeurs universitaires à McGill, des gens qui ne savaient pas écrire, mais qui étaient vibratoirement dans l'intelligence et qui ont réussi, après un certain nombre d'années, à faire réaliser à ses profs que leur vie en tant qu'intellectuels commençait à s'éteindre. Nous ne sommes pas habitués à l'intelligence. Pour l'homme, le phénomène de l'intelligence est un phénomène neuf. Et plus nous avançons dans l'intelligence, plus nous réalisons que l'intelligence, c'est simplement vibratoire. Et c'est lorsque nous réalisons ceci, lorsque nous sentons la vibration dans le mental, que nous commençons à être intelligents et que nous commençons à agir. Mais nous ne pouvons pas agir selon les désirs de l'ego, il est évident. C'est pour ça que si je commence un peu à parler de politique, c'est pour faire comprendre qu'un jour viendra où l'intelligence sur la Terre sera politique. Comme l'intelligence peut être scientifique, elle peut être politique, comme elle peut être philosophique. Mais l'intelligence est ce qu'elle crée et elle crée ce qu'elle est. La politique, à partir de ce moment, je vais parler de la politique consciente. La politique, c'est l'organisation matérielle de l'intention de l'intelligence pour l'évolution d'une race ou d'une planète. La politique, c'est l'abolition du pouvoir planétaire pour l'instauration d'un pouvoir cosmique. La politique, c'est le développement à l'infinité d'une ligne de création qui ne peut servir que l'homme et qui ne peut être empêchée par aucune force qui est anti-homme. La politique, c'est la pénétration de la conscience d'une planète, d'une force d'intelligence supérieure qui permet éventuellement à cette planète de développer des moyens d'observation, des moyens de perception qui vont au-delà des sens matériels. La politique d'une planète vue du point de vue cosmique doit éventuellement amener l'homme, à travers le panoplie de ses sciences, à contempler l'univers. Exemple. La politique scientifique de la planète Terre, lorsque le cycle sera terminé, lorsque le stage de la nouvelle science sera établi, fera que un des premiers instruments sur la Terre qui sera donné à l'homme ou à la civilisation humaine sera un système de téléportation. Le système de téléportation sera créé par l'homme, il sera donné à l'homme et il sera diffusé dans toutes les nations de la Terre, de sorte qu'aucune nation ne le possédera d'une façon unilatérale. Et les hommes pourront se téléporter d'un point A à un point B dans un instant, parce que l'homme aura été donné les secrets de la dématérialisation et de la reconstitution matérielle de son corps physique. Mais quelle est l'implication d'un téléporteur sur une planète? L'implication d'un téléporteur sur une planète est très vaste, parce que si un homme peut se téléporter d'un point A à un point B sur une planète, il est évident qu'il peut se téléporter aussi d'un point A à un point B dans une autre galaxie ou dans un autre coin de la galaxie. Mais pour que l'homme se téléporte de la planète Terre à un autre point dans la galaxie, il faut qu'il y ait une entente entre l'homme et les gouvernements invisibles. Tu ne peux pas apparaître sur une planète sans qu'il y ait eu approbation, sans qu'il n'y ait eu conscience d'un lien politique entre cette planète et l'autre. De sorte que viendra un moment où l'homme devra entrer en contact officiel avec des êtres qui viennent d'autres civilisations, et l'homme sera donné le droit de visiter ces hommes, et l'homme pourra se servir de son système de téléportation, d'ajuster son système de téléportation, de le calibrer à la longueur d'onde de l'autre, et l'homme pourra se trouver sur une autre planète. Ceci fait partie de la politique mondiale. Ceci fait partie de la politique de l'intelligence supramentale. Ceci fait partie de la politique des gouvernements invisibles, des gouvernements interplanétaires, ainsi de suite. Alors, l'homme doit commencer à comprendre la valeur de la politique. Et il est évident que si la politique commence à se manifester sur un plan matériel aussi bas en vibration que le nôtre sur la Terre, qu'il doit, ou l'homme doit, vivre des réajustements politiques. Et ces réajustements politiques seront vécus selon le temps, selon les conditions, mais en relation avec des hommes qui aujourd'hui sont au pouvoir et des gouvernements aujourd'hui qui sont au pouvoir, mais qui demain devront reconnaître que l'âge d'or, si vous voulez, ou le nouvel âge, ou l'âge de l'intelligence, est effectivement établi sur la planète. Je sais que je vous parle et qu'une partie de ce que je vous dis passe loin de vos esprits et qu'une partie de ce que je vous dis, surtout lorsque je parle des téléporteurs, là, c'est un petit peu plus près de votre esprit. Ça, c'est normal. Mais vous devez commencer à pouvoir écouter des propos qui passent au-dessus de votre esprit, qui n'engendrent pas en vous de vibrations dans le corps astral, pour pouvoir commencer à réaliser les implications de la conscience supramentale sur la Terre, parce que viendra le moment dans votre vie ou dans la vie de certains où la conscience de l'homme sera transmutée. Et la conscience de l'homme sera transmutée dans un mode qui ne vous est pas permis aujourd'hui de comprendre. Il y en a parmi vous qui, à un certain moment, seront mis en communication télépathique auditive. Et lorsqu'un homme est mis en communication télépathique auditive, sa vie change. Tant que vous fonctionnez à l'intérieur de votre enveloppe corporelle, tant que vous fonctionnez à l'intérieur de votre conscience personnelle, tant que vous fonctionnez en relation avec votre corps de désir, tant que vous fonctionnez en relation avec ce que vous pensez ou avec ce que vous pouvez penser, vous avez l'impression de votre vie. Mais viendra le moment dans les années à venir où l'impression de votre vie vous sera enlevée et où il vous sera imposé une impression extérieure qui changera complètement votre vie. Et c'est pour ça que je parle pendant un certain nombre d'années, pour que quand ceci se fera, vous serez à l'aise avec cette nouvelle impression. Autrement dit, l'impression que vous avez aujourd'hui dans le monde actuel, c'est une impression qui vous est personnelle. C'est une impression qui est suffisamment harmonisée avec un mode de vie qui vous permet de vivre une certaine liberté relative. Mais viendra le jour où cette impression vous sera enlevée et où vous vivrez d'une autre impression. Et cette autre impression sera le début de l'application sur la terre de la conscience supramentale. Et c'est à partir de ce moment-là que il ne vous sera plus permis de vivre sur la terre comme vous avez vécu avant, mais qu'il vous sera forcé de vivre sur la terre selon des conditions d'intelligence auxquelles vous aurez été préparés et qui vous permettront de commencer à faire des choses qui auparavant vous semblaient impossibles. L'ego de l'homme est une structure psychologique. L'ego de l'homme est une structure totalement psychologique, c'est-à-dire que cette structure, elle est formée d'une sorte d'énergie qu'on appelle l'émotion et d'une autre sorte d'énergie qu'on appelle l'intellect. Mais l'ego de l'homme supramental, l'ego de l'homme conscient, l'ego de l'homme intelligent n'est plus formé de la même structure. De sorte que l'homme conscient, l'homme qui est dans l'intelligence ou l'homme qui est intelligent, quel que soit le taux vibratoire de cette intelligence, ne peut plus s'appartenir. Et c'est pourquoi l'homme doit vivre une certaine préparation pendant un certain nombre d'années avant d'en arriver à pouvoir vivre sans s'appartenir, sinon il perdrait la raison. Il perdrait la raison parce que la raison de sa vie, elle est formulée selon sa psychologie, la structure psychologique de son ego, c'est-à-dire selon son émotivité et son intellect. Et aujourd'hui, l'homme réalise dans le monde que le monde s'en va nulle part et l'homme a développé une autre formule pour s'assurer contre, écoutez bien ceci, une autre formule pour s'assurer contre la désintégration sociale. Et cette formule qu'il a développée pour s'assurer une certaine sécurité, c'est la spiritualité. Quand l'homme fonctionne, quand tout va bien dans le monde, quand l'économie est puissante, quand la job elle est assurée, après la guerre, 1945-1950, tout va bien, au début du siècle, quand les hommes travaillent, et ainsi de suite. L'homme, l'ego dirige son regard vers la matière. L'ego dirige son regard vers la stabilité, dirige son regard vers le statut social. Mais lorsque les temps viennent durs, et ceci est reconnu par tous, l'homme commence à diriger son regard vers autre chose. Il commence à diriger son regard vers le spirituel, c'est-à-dire vers un monde contemplatif qui lui permet éventuellement de se sécuriser, puisqu'il ne peut plus se sécuriser dans le matériel. Ceci est une autre des illusions de l'ego. Il est absolument impossible à l'homme de se sécuriser dans le spirituel parce que le spirituel est une condition psychologique de l'homme qui fait partie des structures émotives et intellectuelles de son ego. C'est simplement un raffinement de sa relation avec l'invisible, mais ce n'est pas une compréhension de l'invisible. Ce n'est pas parce que l'homme se spiritualise qu'il a une meilleure compréhension de l'invisible. Au contraire, si l'homme se spiritualise, il perd de vue le matériel et entre en relation psychologique avec un domaine qui est invisible, mais sans pouvoir en connaître les lois parce qu'il n'est pas dans l'intelligence. De sorte que l'homme qui se spiritualise gagne quelque chose, c'est-à-dire qu'il gagne accès à un autre palier de sa conscience, mais il perd quelque chose, c'est-à-dire, et ceci est important, il perd le droit à l'intelligence. Et un homme ne peut pas entrer dans l'intelligence cosmique avec de la spiritualité. C'est impossible. Et ceci sera une des plus grandes épreuves de ceux qui iront vers la conscience supramentale. L'homme ne peut pas entrer dans la conscience universelle, la conscience cosmique ou l'intelligence pure en étant spirituel. C'est une impossibilité totale et vous pouvez communiquer avec les plans invisibles et on vous assurera que j'ai raison. C'est une impossibilité parce que la spiritualité convient à l'ego de l'homme et ne convient pas à son intelligence. De sorte que l'homme, dans les années qui viendront, surtout ceux de ces hommes qui seront en contact auditif avec l'invisible, se verront imposer une impression. Et cette impression qui s'imposera sur leur intelligence sera tellement puissante que ces hommes préparés auront à ce moment-là la capacité d'agir et de commencer à former ce que j'appelle la société anonyme. La société anonyme ne peut pas se former par des hommes. La société anonyme se forme par l'intelligence à travers les hommes et elle est soumise à des lois qui ne sont pas des lois humaines, c'est-à-dire ne sont pas des lois qui conviennent à la psychologie de l'ego. La société anonyme est une force de vie à quelque niveau que ce soit sur la Terre, à quelque niveau quantitatif qu'elle soit arrivée, mais lorsqu'elle est déjà en fermentation, qu'elle est déjà à un stade embryonique, elle est déjà en puissance. Et elle est en puissance parce qu'elle n'est pas liée au temps. Le temps ne peut plus et ne peut pas la détruire. Au contraire, le temps devient sa puissance. Et lorsque l'homme aura été donné cette impression auditive, et que sa vie ne sera plus la sienne, c'est-à-dire qu'il devra vivre sa vie selon les lois de l'intelligence qu'il a toujours voulu connaître. À ce moment-là, il sera obligé de vivre selon les lois de l'intelligence, parce que cette intelligence sera en lui. Et lorsqu'un homme est dans l'intelligence, et que l'intelligence est dans un homme devient prisonnier de l'intelligence. Parce que l'intelligence, ce n'est pas une chose qu'on met de côté quand ça ne fait plus notre affaire. L'intelligence, ce n'est pas comme la spiritualité ou la philosophie que tu changes quand tu veux. Lorsque l'homme entre dans l'énergie de l'intelligence, il ne peut plus en sortir et il devient effectivement prisonnier de cette énergie et éventuellement, il ne vit que de cette énergie et éventuellement, cette énergie devient le seuil ou la porte de sa liberté réelle. Nous avons, à cause du phénomène de la pensée personnelle, nous avons tendance à quantifier et à mesurer nos possibilités. Je suis sûr que l'ego se regarde et qu'il se dit « Merde, qu'est-ce que je fais dans tout ça? » Et c'est normal parce que l'ego pense et l'ego n'étant pas encore dans l'intelligence, n'étant pas encore dans l'énergie, n'étant pas encore dans la science de l'intelligence, n'ayant pas encore le pouvoir de son esprit, évidemment l'ego ne peut pas faire autre chose que de se regarder dans un miroir et dire « mais qu'est-ce que je fous là-dedans » ou « ça va prendre combien de temps ça? » Ça fait partie du problème de l'ego, ça fait partie de la souffrance de l'ego, ça fait partie de la tension dans l'ego. Et l'ego doit le vivre, et l'ego le vivra jusqu'au moment où il passera d'une étape d'évolution à une autre. Mais je puis assurer l'ego que viendra le jour, le moment où il prendra conscience d'une impression qui constituera pour lui l'essence même de son intelligence et lui permettra de commencer à concevoir l'évolution à grande échelle de la sixième race. Mais le concevoir d'une façon extrêmement concrète, non pas d'une façon ambiguë ou d'une façon simplement idéaliste, d'une façon extrêmement concrète, parce que l'intelligence le poussera dans l'action et l'intelligence l'amènera à être en confrontation avec des hommes sur la Terre où elle devra être canalisée et créer le choc vibratoire qu'elle doit créer pour qu'il se manifeste sur le plan matériel des changements dans les attitudes humaines. Il ne s'agit pas pour l'homme de se mesurer dans l'intelligence, ou de se mesurer à son avenir, ou de se mesurer à une probabilité. Il s'agit à l'homme de réaliser petit à petit qu'il n'est pas complet. Et que sa complétion, sa finalisation sur le plan d'évolution est quelque chose qui n'est pas entre ses mains et quelque chose qui fait partie de son évolution. Et ceux qui sont marqués pour cette évolution ne pourront pas passer à côté parce qu'ils sont marqués. C'est-à-dire que déjà, leurs principes sont en relation vibratoire avec cette énergie. Si nous parlons de politique, nous en trouvons la fenêtre sur un avenir qui ne peut pas se mesurer à l'échelle de notre pensée. Nous en trouverons une fenêtre sur un avenir qui ne dépend que du pouvoir de l'intelligence en soi et qui ne dépend que de la relation entre l'homme de la Terre et les hommes qui viennent d'outre-espace. Et une telle politique frappe l'ego dans le front et le met en suspension, le garde en suspension pendant un certain nombre d'années. Et cette suspension, elle est voulue, elle est importante parce que elle est l'éther, elle est le médium à l'intérieur de laquelle, duquel il se débattra sur le plan émotif et sur le plan intellectuel. Le travail de l'intelligence sur la planète, le travail de préparation de l'intelligence sur la planète, est un travail qui est totalement couvert. C'est un travail dans lequel l'ego se fait piéger. C'est un travail dans lequel l'ego se voit éventuellement face à face avec quelque chose qui est plus grand que lui. Et c'est lorsque l'ego réalise ceci que son émotivité, son intellect change et qu'il commence à se développer en lui la conscience d'une nouvelle intelligence et le développement naturel d'un cerveau, d'un troisième cerveau qui n'est pas celui de gauche ou celui de droite, mais le cervelet ici, derrière la tête. Ce troisième cerveau doit être allumé, ce troisième cerveau doit devenir actif parce que la relation demain au cours de l'évolution entre la planète Terre et l'intelligence et la hiérarchie et le gouvernement invisible sera en fonction des réseaux vibratoires qui seront établis entre la planète Vénus et la planète Mars sur les plans invisibles de ces deux globes. N'oubliez pas que nous n'avons conscience que de la matière. Et comme nous n'avons conscience que de la matière, nous n'avons conscience que d'une très petite capacité aux forces de vie. Nous n'avons aucune conscience du pouvoir des forces de vie. D'ailleurs, nous ne savons pas ce que c'est que la vie. Et notre conscience humaine est tellement petite, elle est tellement restreinte, que la moindre réalisation intelligente du réel nous fait vibrer sur le plan émotif et mental. Et c'est pourquoi nous devons être amenés petit à petit à réaliser l'intelligence, sinon émotivement et mentalement, notre vie serait insupportable. Elle serait totalement insupportable. Et à cause de ses émotions, l'homme ne sait pas encore canaliser ses énergies. L'homme ne sait pas balancer ses vibrations. Et d'ailleurs, c'est la situation la plus pénible pour l'homme aujourd'hui qui va vers la conscience supramentale. C'est qu'il ne sait pas balancer ses vibrations. Et ses vibrations sont constamment altérées. Il subit constamment des changements vibratoires sur le plan émotionnel et mental. Et il ne sait pas comment rebalancer ses vibrations. Pourquoi? Parce qu'il vit encore dans la mémoire de ses attitudes anciennes. C'est pour ça que le travail, il est long. Si l'homme savait balancer ses vibrations d'un jour à l'autre, lorsque le contact se fait entre son intelligence et son émotionnel et l'énergie de l'intelligence supramentale, l'homme pourrait évoluer beaucoup plus rapidement. Nous nous inquiétons de nous-mêmes. Nous nous inquiétons de nous-mêmes dans ce sens que nous cherchons à nous comprendre, ou nous cherchons à évoluer, ou nous cherchons à être intelligents, ou nous cherchons à ne pas avoir de défauts, ou nous cherchons à agir bien, ou nous cherchons à agir correctement, où nous cherchons à ne pas faire d'erreur. Nous cherchons toutes sortes de choses. Et nous ne réalisons pas que nous cherchons en vain. Que nous sommes intelligents, que nous ne faisons pas d'erreur, que si, que ça, que si, que ça. Et c'est tellement difficile pour nous de réaliser ceci que il est presque impossible pour que l'intelligence se manifeste en soi d'une façon plus rapide. Parce que nous cherchons. Nous ne sommes pas capables d'assumer la réalisation que nous sommes ce que nous sommes pour des raisons qui nous dépassent. Nous ne sommes pas capables d'assumer l'importance d'être ce que nous sommes. Nous ne sommes pas capables d'assumer la réalisation que ce que nous sommes est à la fois le meilleur et à la fois le pire. Pour nous-mêmes, pas pour les autres. Nous sommes à la fois le meilleur de ce que nous pouvons être, et nous sommes à la fois le pire de ce que nous pouvons être, et le pire est aussi important que le meilleur. Nous ne pouvons pas réaliser ceci. Pourquoi? Parce que nous avons un système de moralité, nous avons un système de valeurs, nous avons un système qui nous fait constamment mesurer, comparer nos activités avec celles des autres hommes, qui apparemment, eux, sont meilleurs que nous autres ou moins pires. Et cette condition de l'humanité, cette condition de l'homme est tellement froissante, elle est tellement présente, elle est tellement mièvre, elle est tellement dangereuse et elle est tellement difficile à détruire par l'intelligence que c'est pourquoi il nous faut des années pour entrer dans l'intelligence cosmique. Ça prend énormément d'intelligence, c'est-à-dire de sang-froid. Et quand je dis de sang-froid, je dis de sang-froid. Dans ce sens que le sang représente toujours la mémoire. Le sang chaud a beaucoup de mémoire, le sang froid n'a pas de mémoire. Et nous ne sommes pas capables de réaliser que ce que nous sommes, les défauts de nos structures, comme les aspects positifs de nos structures, sont simplement des aspects de notre évolution. Et nous ne réalisons pas que le meilleur en soi, souvent est pire, et que le pire est meilleur. Nous ne sommes pas capables de faire la transition, nous ne sommes pas capables de faire la transposition, parce que nous avons mesuré, nous avons donné à notre pire et à notre malheur à notre le pire est quoi? À notre meilleur, vous voyez ce qui est sorti. À notre malheur, ça c'est le mot qui est sorti. Alors, nous ne sommes pas capables de donner à notre pire et à notre meilleur l'intelligence que les deux aspects ont besoin pour se transmuter. Le meilleur de soi doit devenir le pire et le pire doit devenir le meilleur. C'est pour ça que je dis souvent, il y a des gens qui souffrent d'avoir trop d'énergie positive, comme il y a des gens qui souffrent d'avoir trop d'énergie négative. Pourquoi l'homme est malade? Parce qu'il a trop d'énergie négative. Pourquoi l'homme est très spirituel? Parce qu'il a trop d'énergie positive. Et c'est très difficile pour l'homme parce que ceci fait partie d'une nouvelle instruction à l'homme, d'une façon neuve à l'homme de se voir. Et lorsque l'homme se voit d'une façon neuve, c'est-à-dire d'une façon qui n'a pas été expérimentée au début, avant, auparavant, il est seul par lui-même pour faire l'expérience. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui permet la descente sur la terre de la conscience supramentale dans l'individu. La conscience supramentale ne peut pas descendre sur la terre d'une façon collective à travers des systèmes sociaux. La conscience supramentale sur la terre, l'énergie de cette intelligence ne peut se manifester dans l'homme lorsqu'il a réalisé la capacité d'interchanger le pire pour le meilleur et le meilleur pour le pire, autrement dit, de balancer les vibrations négatives avec les vibrations positives pour que lui devienne, une fois pour toutes, capable d'assumer la tâche, d'animaliser son intelligence et de rendre son animalité intelligente. Et quand je parle d'animaliser son intelligence et de rendre l'intelligence animalisante, je veux dire que l'homme doit être capable de se servir de sa nature inférieure intelligemment et de se servir de sa nature supérieure avec le point de vue qu'elle doit lui servir sur le plan matériel, où l'animal vit et s'exécute en tant que créature évolutive. Mais notre conscience est scindée en deux. Notre conscience est à la fois bonne et à la fois mauvaise. Notre conscience est à la fois spirituelle et matérielle. Notre conscience va à la fois vers Dieu et vers Satan. C'est-à-dire que notre conscience va d'un pôle à l'autre de notre réalité psychologique. Et c'est justement parce que notre conscience va d'un pôle à l'autre de notre réalité psychologique que nous ne sommes pas capables de vivre notre réalité vibratoire. Et c'est là que l'homme sort de l'intelligence universelle et qu'il commence à faire des bêtises. Au nom de l'homme, de sa philosophie, de sa psychologie, de sa moralité. Et lorsque la conscience d'un homme est divisée en deux, l'homme n'est plus capable de s'assurer de son lien avec l'universel, quelles que soient ses bonnes intentions. Parce que l'intelligence universelle est le pouvoir de l'énergie créative sur le globe. Et l'énergie créative sur le globe ne demande pas de questions à l'homme. L'énergie créative sur le globe ne veut pas être interprétée par l'homme. L'énergie créative sur le globe ne veut pas être catégorisée par l'homme et mise dans un bocal, dans une forme qui convient à son émotion et à son intellect ou à sa mémoire. Et comme elle est puissante, et comme elle est autoritaire, et comme elle est sans forme, et comme elle est le pouvoir de la lumière dans l'homme, lorsqu'elle pénètre l'homme, elle détruit le bocal, elle détruit l'enveloppe dans laquelle l'homme essaie de la contraindre, et automatiquement, elle crée chez lui une transmutation. C'est pour ça que je disais dernièrement, dans une conférence rencontre, que dès que l'homme pense, il est violé. La pensée humaine, la pensée subjective, c'est le viol ultime de l'humanité. Et l'homme est violé chaque instant sur la Terre à des milliards d'exemplaires. De sorte qu'il est impossible à l'homme de connaître, de constituer, de créer une civilisation forte, puissante, qui puisse l'amener en contact avec des civilisations fortes et puissantes, afin de comprendre les lois de l'esprit qui l'amèneront éventuellement à comprendre les lois de la matière, qui l'amèneront éventuellement à comprendre les lois de l'anti-esprit, qui est l'antimatière, et qui est la porte qui mène l'homme à la compréhension de ce qu'il appelle Dieu. L'homme vit dans un fourreau, et son intelligence ne lui sert pas. Elle sert d'autres intelligences que lui. Et ces autres intelligences que lui font partie de ce que j'appelle le monde astral, de sorte que l'homme n'a aucune liberté, bien qu'il ait un libre arbitre. Et si nous réalisons que chaque fois que nous pensons, nous sommes violés dans notre droit, c'est-à-dire que nous sommes violés dans le droit à notre intelligence, c'est-à-dire que nous sommes violés dans le droit à l'énergie de l'intelligence, qui est l'énergie de la vie, qui éventuellement nourrit le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, et qui amène l'homme vers l'immortalité, nous réalisons que la pensée, bien que nous l'ayons pendant des siècles élevé au stage de la déesse, en lui donnant ou en lui mettant sur les épaules le grand vêtement pourpre de la philosophie, nous réalisons que l'homme est effectivement un être totalement ignorant et un être totalement soumis à un mécanisme planétaire de pensée qui ne sert que des intelligences qui ont des buts voilé à l'homme, que l'homme sert sans s'en rendre compte à la lueur d'une moralité, d'une philosophie, d'une politique ou d'une psychologie à l'échelle mondiale. Alors, il ne faut pas se demander pourquoi il y a division entre les nations, pourquoi il y a division entre les hommes, pourquoi il y a division dans l'esprit de l'homme et pourquoi il n'y a pas sur la Terre d'intelligence monolithique, universelle et créative. Et il devient extrêmement important pour l'homme de réaliser que chaque fois qu'il pense, il est violé. Pourquoi est-il que chaque fois que vous pensez et que vous rapportez votre pensée, moi, je dois l'ajuster, votre pensée? Je dois dire oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Parce que votre pensée n'est pas parfaite. Et elle n'est pas parfaite parce que vous la pensez. Et vous la pensez parce que vous avez encore de l'émotivité dans le mental. Mais lorsque viendra le temps où l'homme sera en communication auditive avec la hiérarchie ou avec le gouvernement invisible ou avec des êtres qui font partie de l'évolution future de l'humanité, vous ne pourrez plus cacher vos pensées C'est-à-dire que vous ne pourrez plus vivre de vos pensées comme vous viviez de vos pensées auparavant, parce que vos pensées deviendront pour vous une souffrance. Et chaque fois que vous prendrez conscience de vos pensées, vous deviendrez conscient de votre intelligence, parce que c'est le mécanisme qui servira éventuellement au contact entre l'invisible et l'homme de la Terre qui va vers la conscience supramentale. Chaque fois que vous deviendrez conscient, vous aurez pris conscience auparavant d'une pensée subjective. Et éventuellement, la communication télépathique sera tellement permanente qu'il vous sera impossible de penser parce que votre mental aura été ajusté vibratoirement et vous perdrez le pouvoir de penser. Et lorsque l'homme commencera à perdre le pouvoir de penser, il commencera à entrer dans le pouvoir de l'intelligence supramentale. Si nous considérons que chaque fois que nous pensons, nous sommes violés dans notre droit à l'intelligence, il vient un moment où nous sommes écœurés de penser. Il vient un moment où nous sommes froissés qu'il se passe dans notre mental de la pensée. Et c'est le début de la conscience nouvelle de l'homme. Un homme qui ne réalise pas encore que chaque fois qu'il pense, il souffre, est encore au stade de l'homme ancien. Il y a des êtres parmi vous qui sont très bons, qui sont très sincères, qui ont de grandes qualités, et ainsi de suite, et qui ne vivent que du surplus émotif de leur énergie. Ils ne vivent que d'une réserve d'énergie émotionnelle qu'ils ont. Et cette énergie émotionnelle est tellement grande, ils en ont tellement de cette énergie émotive, qu'ils peuvent vivre de cette énergie pendant des années de temps. Jusqu'au jour où ils devront subir un choc vibratoire qui mettra leur corps émotionnel par terre et qui les amèneront dans une très grande dépression. Et il y en a parmi vous qui vivront cette grande dépression dans quelque temps et qui sentiront un affaissement sur le plan émotionnel, qui sentiront qu'ils perdent quelque chose, ils perdent une sorte de vitalité. Et cet affaissement émotionnel durera jusqu'au moment où l'individu aura été nettoyé de cette conscience astrale qui est trop enflammée par une émotivité qui retarde le développement de leur intelligence et la descente de l'énergie de l'intelligence dans leur mental pour créer une conscience supérieure. Et plus les gens iront vers la fin du cycle, plus les gens vivront à certains moments cette dépression, et cette dépression sera très grande, elle sera irréductible, elle ne pourra pas être empêchée même par la pilule. Cette dépression sera totalement vibratoire. C'est pour ça que je vous parle, pour vous faire comprendre les différents états, les différentes étapes que vous pourrez vivre dans les années à venir, afin que vous sachiez dans ce temps-là que tout ce qui se passe est simplement un travail et que c'est normal. Remarquez que si j'étais un maître spirituel et que je vous parlais de façon spirituelle, ces propos n'existeraient pas. Mais comme je ne suis pas un maître spirituel et que je connais l'avenir de l'homme et que je connais les lois de l'évolution de l'homme en tant qu'individu comme les nations, je peux vous assurer que ce que je vous dis prendra place. Et c'est cette certitude qui devient pour vous un point de repère important et infaillible, de sorte que lorsque vous vivrez ces dépressions, vous serez en mesure de les contrôler au lieu d'être emporté par elles. Le mouvement de l'intelligence supramentale sur la Terre se fera de plus en plus puissant, c'est-à-dire que les individus seront de plus en plus attaqués dans leur personnalité. Les individus seront de plus en plus affaiblis par l'énergie lorsqu'elle pénétrera le corps astral. Les individus seront de plus en plus désillusionnés de ce qu'ils pensent faire. Les individus seront de plus en plus désillusionnés de certaines conceptions qu'ils ont de leur avenir à cause du lien qu'ils font entre cet avenir et une certaine spiritualité philosophique qui fait partie du caractère même de leur personnalité. Et je dois vous assurer que plus l'homme entrera dans la conscience supramentale, plus il s'apercevra que l'évolution de cette intelligence en soi et le développement de cette intelligence en soi se fait et se fera toujours selon des normes et des lois et une orientation qui n'est pas au préalable définissable ou connaissable par l'ego. L'ego ne vivra jamais sa vie demain comme il le conçoit aujourd'hui. L'ego ne fera jamais demain ce qu'il pense aujourd'hui faire, même si ce qu'il pense aujourd'hui faire lui semble bon pour l'humanité. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancerez, il y aura des embûches, il y aura des interférences créées dans votre vie pour forcer votre corps de désir à se réajuster, à lâcher prise et à permettre que l'énergie de l'intelligence pénètre et dirige votre vie. Ce n'est plus du corps de désir que vous pourrez agir, ce sera simplement à partir de ce niveau de conscience qui est totalement supramental, infaillible et intelligente. La conception d'une politique nouvelle pour la planète. Va au-delà de ce que l'homme peut penser. Parce qu'elle prend en considération le pouvoir de l'énergie sur les races en évolution. Mais l'homme, en tant qu'individu, peut percevoir certains aspects de cette politique. Et je vais vous en donner quelques-uns. Pour un peu corriger la façon que nous avons de penser, à cause de l'énormité matérielle de la Terre et aussi à cause de la quantité d'hommes qui existent sur la Terre. Viendra un moment dans l'évolution de l'homme où toutes les nations, tous les peuples, tous les chefs d'État, tous les hommes seront conscients qu'il y a sur la Terre une intelligence invincible. C'est-à-dire qu'il y a sur la Terre un être qui est dans une intelligence et dans une relation d'énergie avec l'invisible d'une façon totale et d'une façon totalement parfaite. Et lorsque ce temps-là sera venu à la fin du cycle, les nations prendront conscience que l'humanité est en voie de reconnaître que la façon dont elle a évolué par le passé ne peut plus servir. Et lorsque les nations auront réalisé ce personnage, qu'ils auront connu ce personnage, les portes de ce qu'on appelle les portes de l'enfer, autrement dit, les portes de l'influence contre l'homme, les portes anti-homme, les portes qui auront donné naissance à cette conscience antichristique qui viendra avant ce grand personnage, seront fermées pour un certain nombre de siècles. Et le pouvoir de l'intelligence sur la Terre, manifesté à travers ce personnage que les hommes ne connaissent pas, sera tellement grand. Et l'impuissance des nations et des peuples et des gouvernements et des organisations de restreindre cet homme sera tellement évidente que pour la première fois depuis des siècles, l'homme, l'humanité, les nations sauront que le temps est venu pour que la conscience planétaire prenne un autre visage. Et c'est dans ce temps-là que les hommes qui auront été préparés pour la compréhension de ce phénomène, pour la compréhension de l'influence de ce phénomène sur la Terre, que ces hommes seront prêts à réaliser des œuvres sur le plan matériel qui dépassent de plusieurs coudées la plus grande imagination que vous pouvez aujourd'hui mettre à la disposition de cet avenir. Ce qui est le plus marquant dans la fin d'une civilisation, c'est la tournure des événements. Ce qui est le plus marquant dans la fin d'une civilisation, c'est la puissance des événements. Et ce qui est encore plus marquant que tout ceci, c'est ce qui est caché à la civilisation et que les hommes les plus érudits ou les hommes qui ont une plus grande voyance ne connaissent même pas. Mais, contrairement au passé, il y aura à la fin du cycle un grand nombre d'hommes qui comprendront énormément de choses et qui auront une vision plus ou moins orientée de ces événements et qui verront finalement poindre le jour où la lumière, l'intelligence, aura fermé pour un bon bout de temps les portes qui sont ou qui cachent les forces qui sont anti-hommes. Autant je vous parle aujourd'hui dans un grand calme, d'une façon extrêmement pondérée, autant dans ce temps-là, les événements s'ajouteront aux événements pour faire comprendre à l'homme que le temps est venu pour qu'il y ait un lien entre la planète Terre et les civilisations d'outre-espace. Un lien neuf. Un lien où l'homme, au lieu de se considérer petit, au lieu de vivre à l'intérieur d'une enveloppe conditionnée par sa psychologie purement planétaire, pourra commencer à vivre de l'impossible et réaliser, à cause de son intelligence, les plans énormes de l'intelligence cosmique sur la planète Terre. L'homme ne pourra plus souffrir parce qu'il n'y aura plus en lui de conditions permettant la souffrance. Mais l'homme, avant ce cycle, doit se nourrir d'un certain esprit qui est déjà libéré des chaînes de la pensée et de l'émotion. L'homme doit se nourrir d'un certain esprit qui est capable d'envisager les plus vastes panoramas de l'histoire et qui puisse comprendre les plus reculer un recoin de la conscience humaine qui détermine la psychologie subjective de l'ego. Pourquoi l'homme ne se connaît pas? Pourquoi l'homme ne peut pas mettre la main sur lui-même? Parce qu'il a contractué dans le passé. Parce qu'il a des liens avec le passé. Et ces liens doivent être vécus, brûlés, ce que vous appelez, vous, le karma humain. Ces liens doivent être brûlés. Et ces liens ne peuvent pas être brûlés sans la souffrance. Et j'exhorte ceux qui sont un peu plus dans la conscience de leur intelligence, ceux qui sont plus près de sembler pouvoir faire quelque chose à l'intérieur de l'intelligence, j'exhorte ces gens à réaliser que s'ils font quelque chose et que ce qu'ils font est coloré par leur ego, ce qu'ils font leur sera retiré. Et je vous l'assure, l'homme ne peut pas faire quoi que ce soit pour l'humanité. La seule puissance qui puisse faire quelque chose pour l'homme, c'est l'intelligence. Mais l'homme en tant qu'ego, l'homme en tant que formule, en tant que mémoire, en tant qu'attitude, en tant que bon sentiment, en tant qu'émotivité et intellect, ne peut rien faire pour l'humanité. Absolument rien. Et c'est très important que l'homme réalise ceci, parce que tant que l'homme a l'impression de faire quelque chose pour l'humanité, ou qu'il veut faire quelque chose pour l'humanité, il cesse de faire quelque chose pour lui-même. Et si l'homme ne fait pas quelque chose pour lui-même, il ne pourra pas comprendre ce qui en lui empêche la pénétration de l'énergie de l'intelligence. Et il ne perdra pas son temps, mais il se verra enlevé petit à petit, selon le mode de son évolution, selon le mode de son expérience et de sa souffrance. Il se verra enlever le petit peu qu'il pense pouvoir faire pour l'humanité. Et cette condition, je l'établis, cette condition, je la dis, cette condition, je la crie d'une façon absolue, et ce n'est qu'à l'homme d'en considérer éventuellement la réalité. Je ne suis pas sur le plan matériel pour discuter la philosophie ou le bon sens de mes paroles. Je suis sur le plan matériel pour parler. Et je le fais. Bien. C'est à l'homme de comprendre ce que je dis et de réaliser ce que je dis et de s'appointer pour son propre bénéfice personnel des aspects de ce que je dis afin qu'il puisse entrer de plus en plus dans son intelligence et ne plus ou moins souffrir de sa personnalité. La société anonyme est un monde à la fois matériel et à la fois invisible. Les hommes qui font ou qui feront partie de cette société anonyme le réaliseront au début sur le plan matériel, mais un jour le réaliseront aussi sur le plan invisible, parce que tous les hommes qui font partie de la conscience supramentale ou qui sont dans l'intelligence supramentale vivent des connexions télépathique sur d'autres plans, puisque l'homme est multidimensionnel. Il viendra un moment où l'homme, sur le plan de la société anonyme matérielle, se verra obligé de vivre en relation avec des hommes faisant partie de cette collectivité mondiale pour des besoins qui dépasseront la raison, pour des besoins qui dépasseront l'intellect ou qui dépasseront l'aspect premier de la matière solide de leur personnalité. Et ceci ne sera pas facile, parce que l'homme ne peut pas faire des connexions avec les autres plans sans passer d'abord par le plan matériel. Et ceci est une des plus grandes lois de la société anonyme de la sixième race. C'est pourquoi le développement de cette société anonyme, qui est le développement de du pouvoir de l'intelligence sur le plan matériel, se fera d'une façon graduelle et graduée. Et les individus qui appartiendront à cette société anonyme le sauront et œuvreront en relation avec leur intelligence et automatiquement créeront des liens sur les plans invisibles pour qu'éventuellement ces liens puissent leur rapporter lorsqu'ils seront en contact mutuel avec leur propre corps-esprit. Dans quelques années, à l'intérieur d'une génération, les hommes qui font partie de la société anonyme ne pourront plus vivre en dehors de cette société anonyme. Ils se nourriront de cette société anonyme et ce que cette société peut leur apporter. Ils vivront de l'intelligence qui pulsera à travers les membres ou les unités de cette société anonyme. Et ceux qui ne pourront pas vivre en relation avec cette société anonyme iront dans une autre direction. La société anonyme est un mouvement extrêmement occulte, extrêmement caché, extrêmement voilé, un mouvement qui ne peut pas se définir, un mouvement qui fait partie de la manifestation de l'intelligence dans le plan matériel à travers certaines personnalités qui sont en contact avec elle. La société anonyme est un aspect extrêmement rudimentaire, extrêmement embryonique de la sixième race de l'homme. Ce n'est pas par les voies normales que la sixième race sera constituée. La formation de la société anonyme est la pierre de fondation de la sixième race, simplement. Elle n'est pas la sixième race. La société anonyme est la concrétisation dans le matériel d'une conscience vivante, mais extrêmement embryonnaire. Lorsque cette société devra être décuplée, agrandie à travers les nations, d'autres moyens que la simple communication physique ou la simple rencontre à l'intérieur d'un lieu matériel seront utilisés. Et ce sera le début de la sixième race de l'homme, mais à l'échelle mondiale, dans toutes les nations en même temps. Si la province de Québec a été mesurée comme étant l'endroit idéal pour le développement de ce noyau embryonnaire, il y a beaucoup de raisons. Il y a ample raison. Mais ces raisons ne font pas partie d'une conscience nationale. Ils font partie d'une conscience planétaire. Et il ne s'agit pas pour les gens de s'impressionner du fait que la société anonyme ou le noyau embryonnaire de cette société se situe dans la province de Québec. Ce serait une erreur fatale et ce serait une forme un peu osé de nationalisme politique. Ne vous faites pas d'idées. Si vous saviez jusqu'à quel point l'homme est sensible à ses propres désirs, à ses propres idées, à ses propres émotions, vous seriez absolument abasourdi et vous en seriez écœuré. Si l'homme pouvait se voir en dehors de la matière, il verrait qu'il est une certaine quantité d'énergie qui vibre à la moindre impression. À la moindre impression. Et tout ce qui lui fait plaisir le fait vibrer. Et tout ce qui lui fait plaisir est faux. Et lorsque l'homme réalisera que tout ce qui lui fait plaisir est faux, il réalisera jusqu'à quel point les forces de vie sont anti-hommes et jusqu'à quel point les forces de vie sont puissantes. Il peut vous apparaître comme étant bon, ce qui vous fait plaisir, mais je vous dis qu'il est faux. Je vous dis qu'il fait partie de votre expérience. Je vous dis que demain, vous verrez que cette expérience s'éteindra parce que vous aurez compris autre chose. Lorsque l'homme est dans l'intelligence, rien ne lui fait plaisir. L'intelligence n'a pas besoin de support psychologique. pour être. L'intelligence n'a besoin de rien. Seul l'ego a besoin de quelque chose. C'est pour ça que l'ego n'est pas dans l'intelligence. Je vous fais des mises en garde extrêmement subtiles, voilées, mais extrêmement réelles, et c'est le temps qui vous développera la notion de ceci, qui vous donnera la conscience de ceci, qui vous donnera, autrement dit, l'intelligence de cela. Il ne s'agit pas pour l'homme d'aller trop vite. Il ne s'agit pas pour l'homme d'aller trop vite dans ses désirs spirituels. Souvent, je vous dis que vous êtes spirituel, vous me dites « Non, non, je ne suis pas spirituel. » Vous ne savez même pas ce que c'est que de la spiritualité, je vais vous le dire. La spiritualité, c'est cet état en vous qui vous empêche de rendre le meilleur pire. Quand vous serez capable de prendre le meilleur en vous et de le rendre pire, ou de prendre le pire et de le rendre meilleur, vous n'aurez plus de spiritualité. La spiritualité, c'est le blocage en vous qui vous empêche de faire ce que, dans le fond, vous voulez faire. Dans le fond. Mais un fond qui est tellement bas parce qu'il est dans le pire que vous n'avez pas le courage de l'amener dans le meilleur. C'est ça qui divise votre conscience. Parce que vous n'avez pas suffisamment d'énergie dans l'intelligence pour détruire l'intellect de vos émotions et éliminer l'émotion dans votre intellect, de sorte que vous vivez votre vie à moitié, ou au quart, ou au tiers, mais vous ne la vivez pas pleinement. Et pour la vivre pleinement, vous ne pouvez pas le faire tant que vous ne serez pas dans l'intelligence. Sans ça, vous ferez des erreurs extraordinaires et vous créeriez dans votre société des chocs énorme, parce que vous n'avez pas la conscience de l'action occulte. Vous n'avez pas la conscience de l'action voilée, vous n'avez pas la conscience de l'action secrète, vous n'avez pas la conscience du secret, vous n'avez pas l'intelligence du secret, vous ne savez pas ce qui doit être gardé secret. Vous ne pouvez pas comprendre que certains actes doivent être commis dans le secret pour que se débloque dans le mental et l'émotion une vibration qui fait partie de l'intelligence. Vous n'avez aucune conscience de ce que veut dire travailler avec l'intelligence. Vous ne travaillez qu'avec l'émotion et l'intellect. C'est pour ça que si vous avez des plans qui sont intéressants vis-à-vis l'homme, vis-à-vis l'humanité, à cause de votre grande sensibilité, à cause de votre intelligence, à cause de votre mémoire, à cause de votre expérience, faites attention, parce que vous verrez un jour, si vous entrez dans l'intelligence, qu'elle foutra tout par terre. L'homme ne fait pas, quand il est dans l'intelligence, ce qu'il ose croire faire. L'intelligence est une pulsation qui se manifeste dans son temps et toujours à l'insu de l'ego. L'ego doit être capable de supporter ce qu'elle fait à travers lui. Et c'est à ce moment-là que l'ego la canalise. Si l'ego fait quelque chose avant elle, éventuellement, elle détruira ce qu'il a commencé à faire. Une des grandes activités de l'intelligence sur la Terre, c'est de détruire la conscience astrale de l'homme, c'est-à-dire de neutraliser son corps de désir. Pourquoi? Parce que l'homme vit sa vie d'après l'énergie de son corps de désir et automatiquement remplit sa vie d'impressions qui ne lui servent pas, mais qui servent son intellect. Lorsqu'en fait l'homme doit vivre d'impressions qui ne servent pas son intellect, ni son corps de désir, mais qui font partie de l'intelligence en lui. Et à ce moment-là, il est nourri de l'énergie sur tous les plans de sa réalité. Mais si l'homme se sert de son corps de désir, automatiquement il fait interférence à l'intelligence. Parce que son corps de désir n'est pas utilisé d'une façon parfaite par l'énergie de l'intelligence, puisque trop d'animalité dans ce corps de désir sert à sécuriser l'ego sur le plan de son intellect. C'est pour ça que l'homme ne peut pas vivre dans le vide. L'homme doit découvrir le courant de vie. Il y a un courant de vie. J'appelle ceci un courant de vie pour lui donner un mot. Et le courant de vie, c'est ceci. Le courant de vie, c'est cette conscience dans l'homme qui nourrit le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Et un homme qui va vers la conscience, qui va vers l'intelligence, qui avance, mesure constamment son courant de vie. C'est-à-dire qu'il mesure constamment pourquoi il n'est pas heureux. Un homme qui est conscient est constamment dans la conscience de pourquoi il n'est pas heureux quand il n'est pas heureux. Quand il est heureux, autrement dit, quand ses corps sont tous balancés, il est en action. Alors à ce moment-là, la conscience ne regarde pas sa relation énergétique avec l'intelligence. Mais aussitôt que la conscience baisse, que l'émotionnel ou le mental entre en jeu, l'homme conscient regarde pourquoi et automatiquement il doit recanaliser l'énergie pour ramener cette vibration originale de l'intelligence dans tous ses principes. Ce n'est pas de l'observation. C'est un regard. Ça fait partie de l'intelligence. L'homme doit être toujours et constamment en harmonie vibratoire avec l'énergie de l'intelligence. S'il n'est pas constamment en relation vibratoire avec l'énergie de l'intelligence, il tombera sous la loi planétaire de son ego, c'est-à-dire qu'il se sentira un petit peu malheureux, un petit peu vide, un petit peu pas dans son assiette, un petit peu pas correct. Il ne se sentira pas dans cette parfaite harmonisation entre l'énergie de l'intelligence et ses principes inférieurs. Il y aura de la tristesse, il se sentira qu'il n'y a rien à faire, c'est plate. Qu'est-ce qu'on va faire après-midi? Qu'est-ce que je vais faire demain? Ah, maudit, il faut que j'aille travailler demain. Il y aura cette vibration, cette pulsation, ce mouvement sinusoïdal qui lui créera une petite tristesse quelconque. Et plus il entrera dans l'intelligence, plus cette courbe sinusoïdale disparaîtra et deviendra un trait horizontal qui ne peut pas être altéré et transformé pour lui faire sentir qu'il n'est pas heureux. Et qu'est-ce qui fait que l'homme vit cette pulsation? C'est l'émotivité et la pensée. La pensée qui le viole et l'émotivité qui, chaque instant qu'elle se manifeste, lui enlève de l'intelligence. Alors, il est évident que l'homme ne peut pas se connaître lui-même. Il est évident que l'homme ne peut pas être dans l'intelligence parce qu'il le désire. Il est évident que le temps est le grand facteur qui amène l'homme à cette constatation, à cette réalisation que tout est bien dans sa tête. Et lorsque tout est bien dans la tête de l'homme, l'homme est dans l'intelligence, et à ce moment-là, l'intelligence peut lui souffler des aspects d'elle-même et le mettre sur la voie de l'œuvre et de le sortir finalement de l'expérience du travail. Et l'homme ne peut pas œuvrer avant d'avoir compris toutes les lois de son expérience. Parce que dans l'intelligence, il n'y a pas d'expérience nécessaire. Alors, tant que l'homme a besoin d'expérience, il doit subir cette pulsation de l'intellect et de l'émotivité. Et lorsque cette pulsation a disparu, il n'est plus dans l'expérience. Il est dans la vie et automatiquement, il œuvre parce que la vie, lorsqu'elle se manifeste, devient une œuvre quelconque. Il est bon pour l'homme de réaliser que chaque fois qu'il pense, il est violé. Il est violé. Et s'il commence à s'habituer à réaliser qu'il est violé chaque fois qu'il pense, il réalisera avec le temps la nature de sa pensée et il verra que sa pensée est colorée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commencera à comprendre que derrière la pensée qui est colorée, qui le viole, il y a de l'intelligence. Et il pourra la sentir, cette intelligence, il pourra la voir. Il pourra la réaliser un petit peu. Et avec le temps, cette réalisation deviendra plus grande, et avec le temps, cette réalisation s'imposera de sorte qu'à ce moment-là, il ne pensera plus, il communiquera avec l'intelligence. L'homme ne peut pas communiquer avec l'intelligence sans être conscient de l'intelligence, de son intelligence, dans la communication. Sans ça, l'homme est simplement un cobaye, l'homme est simplement un outil, l'homme est simplement un être inférieur qui est nourri de quoi que ce soit ou de n'importe quoi. La communication, ce n'est pas une sauvegarde pour l'homme. La communication, c'est un couteau à deux tranchants. La communication, c'est fantastique, c'est normal, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Si elle existe, la communication, elle fait partie de l'entendement entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence universelle. Si la communication ne sert pas l'homme, il n'en a pas de besoin. Si la communication n'est pas intelligente, c'est que l'homme n'est pas encore dans son intelligence. Parce qu'un homme qui est dans son intelligence ne peut pas être menti par la communication. Alors, si l'homme est menti par la communication, il n'est pas dans son intelligence. Et à ce moment-là, il doit réaliser que ce qui est important pour lui, c'est de savoir que toutes ses pensées le violent. Parce qu'il lui enlève le droit d'être intelligent. C'est un droit d'être intelligent. Ce n'est pas une capacité, ce n'est pas... C'est un droit. C'est un droit universel, c'est un droit fondamental. Ça fait partie de la vie, être intelligent. C'est normal d'être intelligent. Tous les hommes doivent être intelligents. Mais pour que les hommes soient intelligents, il faut qu'ils réalisent qu'ils sont violés chaque fois qu'ils pensent. L'intelligence, elle est toujours derrière le regard de l'homme qui voit qu'il est violé quand il pense. Et un homme qui n'est pas capable de vivre deux étapes d'intelligence à la fois, qui n'est pas capable de vivre de son intelligence réelle, qui regarde l'intelligence de la pensée qui le viole, n'est pas capable d'être assuré d'être violé. Et s'il n'est pas capable d'être assuré d'être violé, il n'est pas capable d'être assuré d'être dans le faux. Et s'il n'est pas capable d'être assuré d'être dans le faux, que ce soit la vérité ou le mensonge, il n'est pas capable d'être intransigeamment intelligent. Et s'il n'est pas capable d'être intransigeamment intelligent, il n'a pas l'autorité de l'intelligence. Et s'il n'a pas l'autorité de l'intelligence, il n'a pas le pouvoir de l'intelligence. Et s'il n'a pas le pouvoir de l'intelligence, il ne peut pas se nourrir au niveau mental, émotionnel, vital et physique de cette intelligence. Alors il doit mourir. C'est aussi simple que ceci. Alors, si je dis que l'homme est violé lorsqu'il pense, c'est une autre étape dans le dévoilement de la réalité de la pensée de l'homme. C'est une autre étape dans le développement de la pensée cosmique versus la pensée planétaire. C'est une autre étape dans le développement de la compréhension des lois de la psychologie de l'homme vis-à-vis la nature même de la pensée et vis-à-vis la nature même des mécanismes de la pensée. Parce que l'homme connaît la nature de la pensée, mais il ne connaît pas les mécanismes de la pensée. Alors, je vais parler des mécanismes de la pensée. La pensée est une condition imposée à l'homme pour le développement de son esprit. Si l'homme n'avait pas de pensée, il n'aurait pas d'ego. Il n'aurait pas de mentalité. Alors, il fut nécessaire que l'homme pense. Il fut nécessaire que des pensées soient envoyées à l'homme pour nourrir son esprit, c'est-à-dire pour lui donner une mémoire. Si l'homme n'avait pas eu de mémoire, il n'aurait pas eu de capacité de recomposer son passé afin de construire un présent. Alors, la pensée fut nécessaire dans le passé de l'humanité parce qu'elle a servi à créer dans l'homme un champ de force lui permettant de se saisir d'une façon plus ou moins grande dans une instantanéité quelconque qu'on appelle la conscience humaine. Mais vient le temps où la pensée ne servira plus l'homme parce qu'elle n'est plus nécessaire. La pensée aura construit le champ de force qui est le mental humain et l'énergie de l'intelligence pourra être présente dans ce champ de force et créer des mots, mais ne plus servir à l'homme à penser. L'homme n'aura plus besoin de penser parce qu'il sera en harmonie vibratoire au niveau de son champ de force qui est son esprit et l'intelligence universelle. Alors, il n'aura plus besoin de penser pour savoir. Ici, pour une raison quelconque, l'homme doit avoir une communication avec l'intelligence universelle. Il aura une communication, mais cette communication lui servira parce qu'il aura un esprit suffisamment intelligent pour voir, pour saisir, pour réaliser les nuances de l'intelligence, de les vibrations de l'intelligence. Il verra, il sera capable de voir dans l'intelligence, à travers son intelligence qui aura été développée, parce que l'émotivité aura été enlevée de sa pensée, c'est-à-dire que son esprit aura été amené à un taux vibratoire qui coïncide avec le taux vibratoire de l'intelligence universelle. Pourquoi l'homme est incapable de voir son intelligence? Pourquoi l'homme est incapable de sentir qu'il peut prendre, qu'il peut se servir de son intelligence et déchiqueter la pensée cosmique, la mettre en pièces? Pourquoi l'homme est incapable de détruire toutes les formes de pensée qui lui viennent à l'esprit? Pourquoi? Parce que la vibration de son esprit n'est pas égale à la vibration de l'énergie de l'intelligence. Alors, automatiquement, il doit se servir de son émotivité pour donner à la pensée qui est en lui une certaine qualité, et c'est justement cette qualité qui permet que l'homme soit violé par la pensée. Alors, si les hommes sont violés par leur pensée, imaginez-vous jusqu'à quel point les hommes sont loin de leur intelligence. Jusqu'à quel point les hommes sont loin de leur réalité, et ne demandez-vous pas pourquoi les hommes ne sont pas heureux sur la terre. La pensée est la plus grande chose qui a été donnée à l'homme. C'est la chose qui a séparé l'homme du royaume animal et c'est la chose qui a rendu l'homme esclave du cosmos. Couteau à double tranchant. La pensée a séparé l'homme de la bête et a assujetti l'homme au Dieu. De sorte que l'homme est devenu la relation entre la bête et l'homme est la même relation que l'homme entre les dieux. L'homme est la bête des dieux, comme l'animal est la bête de l'homme. Il faut y penser. C'est-à-dire qu'il faut être capable de détruire les formes, les pensées qui nous empêchent de savoir ceci. Alors, l'homme est l'animal des dieux, comme l'animal et la bête de l'homme. Autant l'homme fait ce qu'il veut avec l'animal, autant les forces de l'intelligence font ce qu'ils veulent avec l'homme. La fin du cycle abolira cette condition et l'homme deviendra lui-même maître de la vie et l'homme deviendra lui-même un dieu. C'est-à-dire que l'homme sera parfaitement dans l'intelligence comme les dieux eux-mêmes sont dans l'intelligence. Et l'homme travaillera avec eux, et l'homme se servira de leur énergie pour descendre sur le plan matériel des forces qui créeront une civilisation neuve et impensable aujourd'hui par l'homme parce qu'il est encore l'esclave des dieux. Alors, imaginez-vous que vos petites émotions, vos petites sensibleries, vos petites sensibilités, vos petites conneries psychologiques qui font partie de vos personnalités et que vous gardez parce que vous avez peur, parce que vous gardez, parce que vous avez la crainte d'être libre. C'est votre condition humaine, c'est la condition humaine de l'homme planétaire, et je n'y peux rien autre que ce que je vous dis. Moi, pour le moment, je ne peux que vous parler. Mais je vous assure que je suis parfaitement et absolument libre de toutes les forces qui existent dans le cosmos qui sont intelligentes. Je peux travailler avec elles, mais je suis totalement libre d'elles. Et aucune de ces forces ne peut revendiquer ce que je dis, parce que ce que je dis fait partie de mon pouvoir, fait partie de l'intelligence sur le plan matériel. Et l'homme doit être capable de se valoriser dans la conscience de l'absolue réalisation, de l'énergie qui neutralise la forme et qui lui permet de perpétuer dans le temps l'intelligence. Et l'intelligence se perpétue dans le temps lorsqu'elle descend dans la matière et qu'elle est finalement raccordée à l'énergie qui lui donne naissance. Que l'homme soit sur un plan matériel ou sur un autre plan, ça c'est sans importance. Il est sur le plan où il est, selon les conditions de son travail, de sa vie. Mais que l'homme soit dans son intelligence, que l'homme soit capable de se nourrir incessamment de l'énergie de l'intelligence afin de vivre longuement. Ceci fait partie du droit de l'homme, mais fait partie aussi du pouvoir de l'homme. De sorte que plus le temps avance, moins je n'ai de sympathie pour l'homme, moins je n'ai de sympathie pour ceux qui veulent continuer ou qui cherchent pour toutes sortes de raisons émotives, à se sécuriser dans une forme quelconque de complaisance psychologique, philosophique, métaphysique, ésotérique ou spirituelle. Je n'ai aucune sympathie pour eux et je ne veux, avec le temps, dans les années qui viennent, dans les générations qui viennent, je ne veux rien avoir à faire avec eux. Non pas parce que je ne les vois pas et que je ne les comprends pas, mais parce que je sais qu'ils doivent continuer à évoluer plus loin afin de revenir plus tard, joindre ceux qui, pour la première fois depuis l'avènement de l'homme sur la Terre, sauront reconnaître le pouvoir de l'intelligence sur la Terre. Alors, je ne peux plus sympathiser avec l'homme parce que je ne suis plus intéressé à l'homme. Je suis intéressé au sur-homme. Je suis intéressé à l'homme qui est dans la pleine conscience de son pouvoir intelligent, qui est dans la pleine conscience de son intelligence, homme avec lequel je peux facilement communiquer et parler parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et après 84, je cesserai mes activités publiques pour me concentrer sur une autre ou à l'intérieur d'une autre activité, mais à ce moment-là, je choisirai ceux avec lesquels je peux continuer mon travail. Je ferai un choix définitif et je ferai un choix qui tranchera le couple si le couple n'est pas dans la même vibration. S'il y a dans le couple un homme, je prendrai l'homme et je laisserai la femme. Et s'il y a une femme, je prendrai la femme et je laisserai l'homme. Je n'aurai aucune raison d'essayer plus longtemps dans le temps de faire gravir les couples vers une conscience mutuelle. Parce que lorsque l'homme est dans l'intelligence, il ne peut plus, à un certain moment, il ne peut plus se servir d'une certaine énergie qu'il avait auparavant pour maintenir une certaine tolérance. L'intelligence avance, l'intelligence descend, l'intelligence se manifeste, et les conditions qu'elle impose à l'homme devienne de plus en plus radicale, c'est-à-dire qu'elle devienne de plus en plus particulière. Et l'homme n'y peut rien parce que ça fait partie de l'intelligence. Et comme il est canal à cette intelligence, le canal conduit ce qui passe en lui. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus de sentiments dans le travail de l'homme, et après 84, il n'y aura plus de sentiments dans mon travail. Dans ce sens que je ne sympathiserai plus avec les sentiments de l'homme. Alors, je vous donne, pendant ces quelques temps, suffisamment d'informations, d'instructions, pour que vous puissiez regarder tous les aspects de ce que je dis, afin de pouvoir éclairer vos propres pensées et afin de pouvoir petit à petit réaliser, même si c'est une faible réalisation, réaliser que effectivement l'homme est dupe et est violé par ses pensées. Et lorsque vous aurez bien réalisé que vous êtes violé par vos pensées, vous ne pourrez plus vous attacher à votre conscience antérieure et vous entrerez dans la conscience universelle. Le temps sera pourvu pour vous sans importance, mais la vie sera pour vous extrêmement importante. La vie dans ce sens que vous chercherez par tous les moyens possibles à être heureux, c'est-à-dire à être en équilibre avec votre énergie et non pas en équilibre provisoire qui cache un faux équilibre avec l'énergie des autres. L'homme ne peut pas vivre pour le plaisir de l'homme. L'homme ne peut pas vivre pour le plaisir de l'autre. S'il vit pour le plaisir de l'autre, ce n'est pas un homme. C'est un être incomplet. L'intelligence est autoritaire. Alors, lorsque l'intelligence se manifeste dans l'homme, elle est autoritaire. Autoritaire veut dire qu'elle prend la direction des événements de la vie et construit la vie selon la nature, le tempérament et le caractère de l'homme, pour que lui puisse bénéficier du principe fondamental de l'énergie qui est l'intelligence. Beaucoup sont appelés dans le monde, dans les nations, à comprendre ce que je dis, mais peu seront prêts à assumer le lourd fardeau de la désintégration de la personnalité. Pour la reconstruction d'une personnalité réelle, axée sur l'identité véritable, pour des raisons ultérieures, pour des raisons qui défient aujourd'hui l'imagination de l'homme, parce qu'ils font partie d'une autre dimension de vie. Nous sommes violés à un tel point par nos pensées qu'éventuellement nos émotions perdent leur puissance. Et lorsque l'homme perd la puissance de son émotivité, il perd la capacité de traduire en mots et en actions la vie qui anime son corps matériel. C'est pour ça que c'est par l'émotivité que l'homme meurt. Et c'est pour ça que c'est par la transmutation du corps astral que l'homme entrera dans l'immortalité. Parce que l'émotivité, ce n'est pas ce que vous pensez, vous. Pour vous, l'émotivité, c'est une réaction psychologique à une contrainte extérieure. Lorsque l'homme est dans l'intelligence, l'émotivité n'existe plus, il n'y a qu'une force. C'est un peu comme si vous prenez une ballonne, un ballon. L'émotion, c'est la ballonne, le ballon, la ballonne. Et la force, c'est la tension de la paroi. Et lorsque l'homme est conscient, il ne vit que de la tension de la ballonne. Il ne vit pas de la ballonne. Mais il a toute la tension, l'énergie de la tension dans le plexus solaire, et s'il doit se servir de cette énergie qui peut créer l'émotion s'il est inconscient. Il peut vivre de cette énergie. Parce que l'énergie, elle descend et se localise sur différents plans. C'est très fort l'émotion. Ah! Il n'y a pas d'émotion. C'est l'énergie, la tension qui est ici que le mental se sert pour faire quoi ce qu'il veut. C'est ça que l'homme ne comprend pas. Mais pour que l'homme puisse le comprendre, il ne faut pas qu'il y ait en lui de ballon, c'est-à-dire d'émotivité. Excusez si j'ai fait le bruit. Et lorsque l'homme se sert de cette énergie sous le contrôle de l'intelligence, il ne peut pas vivre sur la terre et être malheureux parce qu'il a la force suffisante pour détruire tout ce qui empêche la relation parfaite entre ceci et cela. C'est impossible à l'homme d'être malheureux. Et à ce moment-là, il est dans l'intelligence, il manifeste l'intelligence, il se nourrit de l'énergie de l'intelligence et sa vie peut continuer pendant des siècles s'il le désire. Alors, c'est très important pour nous de comprendre la loi de la pensée, de réaliser que la pensée viole l'homme et que l'émotivité sert à sécuriser l'homme dans son viol. Votre émotivité sert à vous sécuriser dans le viol, de sorte que l'homme est doublement prisonnier. Il est prisonnier de la pensée et il est prisonnier de l'émotion. Et c'est une condition qui ne peut être changée, altérée, que par la pénétration de l'énergie de l'intelligence dans le mental et l'énergie de l'intelligence dans le plexus solaire. C'est pour ça que je vous mets face à face avec la réalité de vos personnalités, la réalité des événements dans votre vie, la réalité de vos jobs, la réalité de vos relations, la réalité de vos belles-mères, la réalité de tout ce qui peut vous empêcher de vivre de l'énergie à cause d'une émotivité qui paralyse votre mental. C'est avec le temps et les années que vous réaliserez la richesse de mes paroles. C'est avec le temps que vous réaliserez jusqu'à quel point je suis dans l'intelligence et jusqu'à quel point cette intelligence, elle est parfaite et sans faille. Et c'est avec le temps que vous pourrez grandir de cette énergie que je vous donne avec les mots, par les mots, de toutes sortes de façons, à toutes les sauces, pour constamment mettre à défi votre psychologie, pour constamment mettre à défi votre raison et pour constamment mettre en relief l'émotivité qui donne raison à votre raison mais qui vous enlève de l'énergie de l'intelligence. On prend un petit break? Alors, comme j'ai déjà dit, je vais continuer mes activités jusqu'en 84. À la fin de 82, je vais commencer à diminuer probablement mes activités un peu. Mais pendant que j'avance dans le temps vers 84, je vous indique des gens qui, après 84, vont vous être extrêmement utiles. Pour vulgariser ce que je dis. Ce que je dis, souvent, n'est pas facile à comprendre parce que c'est dit d'une certaine façon. Il y a des gens qui sont capables de bien vulgariser ce que je dis. Et ces gens-là eux-mêmes s'ajustent au niveau vibratoire de sorte que dans les années à venir, et pour les autres personnes qui viendront de différentes régions ou en dehors du pays, ces gens-là seront capables de retransmettre avec leur propre intelligence ou expliquer avec leur propre intelligence le fameux imbroglio de la personnalité, de la conscience humaine et de tout ce qui rattache à ceci. Quand vous rencontrez ces gens-là, il faut que vous réalisiez que ces gens-là sont aussi en évolution, que ces gens-là, leur corps mental s'ajuste et qu'avec le temps, ces gens-là vont avoir une prise de conscience sur le plan vibratoire qui va être suffisamment ajustée pour ne presque pas faire d'erreur dans ce qu'ils disent. Et l'approche que les gens doivent avoir en relation avec ces gens-là, c'est une approche qui est plutôt fraternelle, une approche qui, dans un sens, découle du fait que je vous dis que ces gens-là ont une importance capitale sur le plan de la vulgarisation de ce que je dis aujourd'hui. Et les gens iront vers telle personne selon sa personnalité, selon ce que cette personne fait. Il y en a un éventuellement qui va poindre, là, puis je vais vous l'indiquer aujourd'hui, mais c'est pas le temps. C'est Osman. Monte-toi dans la binette, Osman. C'est un autre. Il n'est pas prêt encore, c'est pas le temps. Mais il va poindre à un certain moment. Il y a M. Lévesque que tout le monde connaît. Il y a Daniel Ménard. Il y a Croteau qui change énormément dernièrement, mais qui fait un travail plutôt personnel. Croteau n'est pas prêt encore à travailler avec plusieurs personnes. Puis peut-être qu'il ne travaillera jamais avec plusieurs personnes. Alors, chaque individu va travailler d'une certaine façon qui va convenir à son intelligence et que lui va découvrir dans son temps. On ne peut pas forcer les choses. Parce que quand je vais arrêter, moi, de faire toutes ces rencontres-là, quand je vais arrêter de parler, il va y avoir un vide. Et ce vide-là va être comblé par ces gens-là. Alors, ce que je demande, c'est que les gens prennent ces gens-là d'une façon objective et qu'ils ne se fassent pas piéger par les personnalités. Au fur et à mesure que ces gens-là avancent, au fur et à mesure que les gens vont pouvoir comprendre d'autres aspects nuancés de toute la fameuse transformation. Ça va durer des années, la transformation. Vous aurez toujours quelque chose à apprendre. Bon, je continue. Les carottes, ça n'arrête plus. Le lapin. C'est long, mais une carotte. Hein? Oh, oui. Il y a une chose que je veux mettre en relief qui est extrêmement importante. Je vous l'ai dit souvent. Quand je vous dis quelque chose, il faut pas que vous vous en occupiez outre mesure de ce que je vous dis. Il y a des choses que je vous dis que vous allez comprendre avec le temps, mais si vous vous en occupez outre mesure de ces choses-là, vous allez vous créer de l'angoisse. Il y a des choses que je vous dis qui ne sont pas interprétables. On les sait, on les réalise, mais elles ne sont pas interprétables, ces choses-là. Si vous les interprétez, vous allez vous créer de l'angoisse. Et les gens qui ont tendance à interpréter ce que je dis ou à mettre trop dans ce que je dis sont les gens qui sont émotifs. Ce que je vous dis, c'est toujours un couteau à deux tranchants. Je peux pas vous donner un couteau à une lame. Il n'y en a pas, parce que je travaille toujours sur la polarité de votre intellect, puis de votre émotion, puis de votre intellect, puis de votre émotion. Fait que ce que je vous dis, prenez-les, soyez-vous, puis écoutez-les, mais occupez-vous-en pas trop. Les gens s'occupent trop. C'est pas parce que je vous dis quelque chose que vous allez le comprendre dans votre intelligence. C'est avec le temps, après que le travail va être fait, que ce que je vous dis va vous être extrêmement simple et extrêmement clair. En attendant, le travail se fait. Si vous vous occupez trop de ça au niveau émotif et mental, vous allez faire des indigestions. Vous allez leur dire la vie pour rien. C'est important. Quand je vous dis, par exemple, que l'homme est violé dans son intellect, là, il y en a qui vont commencer, aussitôt qu'ils vont penser, ils vont voir qu'ils sont violés. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Ça vient avec le temps, ça. C'est la réalisation de vos pensées, la réalisation de la nature de vos pensées, la réalisation du jeu qui peut se faire par vos pensées, que vous en arrivez petit à petit à sortir de vos pensées subjectives. C'est bien plus la réalisation de ce qui se passe que de la compréhension de ce qui se passe. Si vous avez des pensées qui se foutent de votre intelligence, bien à ce moment-là, vous savez que je vous ai dit que la pensée a tendance à violer l'homme. Fait que de ça, vous développez une réalisation. Et de cette réalisation, vous entrez dans un autre état de conscience qui vous permet d'être de mieux en mieux dans votre peau. Mais il ne s'agit pas de décortiquer ce que je dis, puis de l'analyser, puis d'essayer de le comprendre avec votre intellect. Ça fait partie du mécanisme de la pensée, puis vous allez vous faire violer doublement. Il y a assez de se faire violer une fois sans se faire violer deux fois. Ça... Bon. Il faut comprendre que la pensée qui nous est donnée, qui nous vient à l'esprit, est simplement un outil pour nous faire vibrer émotivement ou mentalement. C'est un outil, la pensée, ou pour nous faire agir. C'est un outil. Cet outil-là, il est toujours bon. Il est toujours bon, cet outil-là. Que vous ayez des pensées cochonnes ou pas des pensées cochonnes, ça ne change rien. L'outil est toujours bon. C'est quand vous réfléchissez sur sa pensée cochonne que là, vous commencez à avoir des tensions. Je vous parle graphiquement, là. Alors, la pensée, c'est un outil qui vous est donné surtout une fois que vous vous conscientisez, pour commencer à comprendre le jeu de la pensée. La pensée, elle est mise dans votre mental, dans votre esprit, pour vous faire comprendre le jeu de la pensée une fois que vous avez été instruit dans la réalité du jeu de la pensée. Pour en arriver éventuellement à sortir du pouvoir de l'intelligence planétaire sur votre intelligence universelle. L'intelligence planétaire étant toutes ces pensées qui font partie de votre esprit et qui ont été mises dans votre esprit à cause de votre contact avec les hommes, puis à cause de ce que vous avez lu, puis à cause de ce que vous avez entendu. De sorte que toutes les pensées dans votre mental, dans votre esprit, sont nécessaires, sont là parce qu'elles ne peuvent pas ne pas l'être. Vos pensées coïncident avec votre tempérament et avec votre caractère, tout le temps. Au fur et à mesure que votre tempérament change et que votre caractère devient de plus en plus efficace à contrôler la nature émotive de vos pensées, mais vous en arrivez éventuellement à rentrer dans votre intelligence, votre tempérament va changer avec les années, mais votre caractère va toujours devenir de plus en plus épuré. Parce que votre caractère fait partie de votre intelligence, tandis que votre tempérament fait partie de l'acculturation, de la mémoire, et ainsi de suite. C'est par votre tempérament que l'âme agit, mais c'est par votre caractère que se manifeste l'intelligence en vous. C'est important pour vous autres de comprendre une fois pour toutes que les pensées qui passent dans votre tête, dans votre esprit, sont là, et c'est Et elles sont là pour des raisons extrêmement précises. Si vous êtes inconscient, elles seront là pour des raisons que vous ne comprendrez pas, mais que vous vivrez existentiellement et que vous souffrirez existentiellement. Mais si vous êtes conscient puis vous sortez de la condition existentielle de votre vie, vous allez réaliser avec le temps que ces pensées-là sont là pour faire un travail. Et effectivement, plus vous conscientisez, plus elles font un travail, parce que plus elles changent, puis plus elles changent, et plus elles attaquent vos pensées, votre mémoire. Elles attaquent, ça c'est un point subtil. Vos pensées attaquent votre mémoire lorsque vous commencez à être intelligent. Quand vous commencez à être intelligent, vous recevez des pensées qui attaquent votre mémoire, c'est-à-dire qui vous font sentir des choses que vous avez senties pendant des années de temps. C'est comme si vos pensées vous rapportent dans l'avenir ou vos pensées vous projettent dans un futur quelconque. Mais à ce moment-là, vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas être attrapé par vos pensées. Vous êtes suffisamment intelligent pour réaliser que vos pensées sont simplement une forme de viol de votre territoire absolu qui est votre intelligence. Fait qu'à ce moment-là, vous vous en foutez de vos pensées. Puis quand vous êtes suffisamment habitué à vous foutre de vos pensées, éventuellement, il n'y en a plus, il y en a de moins en moins, puis de moins en moins. Puis éventuellement, tu n'en as plus des pensées. Puis si tu as de la pensée dans ta tête, mais à ce moment-là, c'est de la communication avec l'intelligence, puis c'est clair et net. Mais la transmutation de l'âme ne peut pas se faire sans que l'âme passe par ce constant bombardement de son corps mental, par les niaiseries dans le mental, par les stupidités même dans le mental. Mais lorsque l'homme comprend les lois de la pensée, qu'il comprend, qu'il réalise que les pensées sont là pour lui servir d'outil, pour en arriver éventuellement à simplement rentrer dans l'énergie de l'intelligence, l'homme ne devrait plus s'inquiéter de ses pensées. Fait que vous pensiez n'importe quelle pensée, pensez-les. Mais soyez-en détachés. Puis avec le temps, mais vous allez en être suffisamment détachés pour que ces pensées ne reviennent plus. La raison pour laquelle les pensées reviennent, puis s'attachent en vous, c'est parce que vous leur donnez toujours de l'émotivité, puis de l'émotivité, puis de l'émotivité. Vous les nourrissez, vos pensées, sans le réaliser. Puis en les nourrissant, mais vous créez toujours un champ de force qui leur permet... Vous savez comment ça forme une pensée? Il y a bien du monde sur Terre. Tous les hommes sont énergie dans un enveloppe matérielle. Puis dans l'invisible, un homme pense. Alors, il vibre, puis il crée une pensée. Ça, les pensées, ça vient tout de la relation entre l'homme et la matière. Alors, les pensées aujourd'hui sont rendues extrêmement complexes parce que l'homme est sur la Terre depuis très très longtemps. L'homme a une grande facilité de penser. Alors, aussitôt qu'il pense, l'homme, il émet une vibration dans l'éther planétaire. Il émet une vibration. Et cette vibration-là, elle crée une forme, puis elle reste là, elle reste en suspension. De sorte que nous autres, les hommes, en tant qu'individus, parce qu'on vit une vie collective sur la planète, on est toujours en relation vibratoire avec cette pensée-là. Il y a des gens, il peut y avoir un type à New York qui va penser une pensée, puis toi, tu es à Montréal, puis tu appoignes la pensée. Oups! Puis ça se greffe. Parce que vous allez réaliser une chose. Regardez bien quand vous pensez, puis vous allez réaliser que la pensée que vous pensez n'a pas d'ordre. Elle n'a pas d'ordre. Elle vient de nulle part, là. Des fois, tu n'as pas de raison pantoute de penser à ça. Elle vient de nulle part. Et qu'est-ce qui la dirige, cette pensée-là, vers votre mental? C'est l'ajusteur de pensée. Eux autres, en haut, font vibrer votre esprit. Aussitôt que votre esprit vibre, il absorbe cette pensée-là. Puis c'est dans l'instantanéité, c'est de l'esprit. Fait que chaque homme a contact vibratoire avec le rayon, avec l'ajusteur de pensée. Lui, il fait vibrer ton esprit, puis la pensée-là, puis elle colle. Elle colle. C'est de même que ça se fait. Fait que demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'on a des pensées qui viennent de toutes parts. Une fois qu'on est expliqué comment ça marche la pensée, puis qu'eux autres font vibrer ton esprit, c'est pas l'ajusteur de pensée qui te met cette pensée-là dans ta tête, il fait vibrer ton esprit, puis elle vient. Fait que quand l'homme comprendra que c'est pas la faute de l'ajusteur, que lui, il fasse simplement vibrer ton esprit pour qu'elle colle. Tu vas aller chercher celle que tu as besoin. Donc, automatiquement, l'homme commence à réaliser que les pensées qu'il a sont des pensées qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que ce sont des. Il n'y a pas besoin de ça pour vivre. C'est comme un fardeau. Puis en réalisant ça, mais automatiquement, la vibration qui normalement ou naturellement, selon son tempérament, ira chercher magnétiquement cette pensée-là dans l'éther. Cette vibration-là, elle change. Là, elle commence à être ajustée, la vibration, à la vibration de l'ajusteur de pensée, à l'intelligence universelle. Fait que là, elle est trop haute, cette vibration-là, là, pour prendre les pensées qui sont dans l'éther. Fait que ça colle plus. Fait que les pensées passent, puis ils peuvent pas rentrer dans ton esprit parce que ça colle plus. Alors, pour en arriver, pour vous amener, vous autres, à avoir une vibration dans votre mental, qui est la conscience supramentale, assez élevée pour que les pensées collent plus, lui, en haut, l'ajusteur de pensée, il vous fait vibrer ici. Fait que là, vous souffrez naturellement, vous allez chercher toutes sortes de cochonneries, mais vous avez une instruction qui vous fait comprendre le jeu. Fait qu'automatiquement, il y a un combat, puis un combat, puis un combat, puis un combat, puis un jour, il vous fait vibrer, puis là, ça colle plus parce que vous vibrez trop haut, là. Fait que les pensées ne peuvent plus coller à votre esprit. Vous êtes automatiquement dans sa vibration. Vous êtes automatiquement dans votre intelligence. C'est pour ça que c'est important pour les gens de ne pas s'occuper de leurs pensées. Si les pensées sont intelligentes, si les pensées sont créatives, si les pensées vous permettent de vous nourrir de l'énergie de l'intelligence à travers leur forme, à ce moment-là, ça va. Là, c'est plaisant à penser. C'est plaisant à penser. Mais c'est seulement plaisant à penser quand tu sais que ce que tu penses, c'est ça. C'est seulement plaisant à penser quand penser, c'est sous ton contrôle. C'est seulement plaisant à penser quand tu sais que tes pensées ne peuvent pas te mettre dans l'erreur. Là, c'est plaisant à penser parce que ça te permet de comprendre des aspects de ta vie ou de l'extérieur. Jusqu'à temps que tu sois fusionné, quand tu es fusionné, tu n'es plus capable, tu n'as même plus de plaisir de penser. Mais à ce moment-là, le plaisir de penser que tu n'as plus est remplacé par le plaisir de la parole. Parce que parler, c'est penser fort. Fait que c'est la seule différence. Tu perds le plaisir de penser créativement, mais tu as le plaisir de parler créativement. Fait que c'est la même chose. Mais avant que l'intelligence de l'homme puisse passer par la parole pour se diffuser dans le monde, il faut que l'homme en arrive à pouvoir penser créativement, puis ensuite, c'est l'autre étape, la parole. La parole, c'est la dernière étape. L'étape avant, c'est la pensée créative, puis l'étape avant, mais c'est la pensée subjective qui nous fait souffrir. Mais si, moi, je vous dis que quand on pense, on est violé, ça, c'est... Le concept d'être violé par la pensée, ça vient de elle, la petite, je sais pas comment elle s'appelle, à côté de Thérèse, Duquette. Elle l'a compris, ça. Elle dit, quand on pense, on est violé. Puis j'ai dit, c'est exactement ça. C'est pour ça que je m'en sers aujourd'hui, puis ça tombe bien, c'est ça. On est violé quand on pense. Fait que ça vous démontre que l'intelligence, c'est universel. L'intelligence... Peut-être qu'elle n'est pas capable de venir au micro pour vous donner un speech pendant 5 heures, mais elle est capable de savoir des choses. Fait que quand on s'en parle de ces choses-là cassées, si ça sert dans une explication symbolique, je m'en sers. C'est universel de l'intelligence. Puis viendra un point où les gens seront capables de reconnaître de l'intelligence dans différents individus. Et les gens pourront, à cause de la relation entre eux, comprendre et explorer le domaine de la pensée et de la psychologie. C'est sans fin, le domaine de la psychologie et de la pensée. C'est sans fin, ça n'a pas de fin. Moi, ça fait 13 ans que je parle. J'ai même pas commencé encore. C'est sans fin. Mais, auparavant, il faut qu'on réalise que chaque fois qu'on pense, on est violé. Et quand on en arrive à aimer penser, quand on en arrive à réaliser qu'on bénéficie à penser, que c'est sous notre contrôle, le phénomène de la pensée, à ce moment-là, ben, on pense créativement, puis probablement, peut-être, selon notre plan de vie, l'étape ensuite, c'est la parole. Mais il faut d'abord réaliser qu'on est violé quand on pense. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se casser la tête. Puis scrutiner puis s'observer constamment. Vous allez faire de la folie. Vivez vos pensées. Mais je vous donne un outil pour que les vivent facilement vos pensées. S'ils sont spirituels puis s'ils sont cochonnes, ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. C'est un des pensées qui viennent ici parce que les autres en haut, ils vous font vibrer. Fait qu'il y en a qui vont, à cause de tempérament, ils vont recevoir des pensées spirituelles. Ça, c'est Mme Arbeck. Je peux pas m'imaginer Mme Arbeck avoir des pensées cochonnes. Fait qu'elle a des pensées spirituelles. Par contre, j'en connais d'autres qui peuvent avoir des pensées cochonnes. Je ne vais pas le dire, là, parce que c'est pas spirituel. Je veux pas mettre personne sur le spot. Mais Alain Charon connaît. Alain Charon, fait que Alain, pas Alain Charon qui s'appelle, mais Alain. On comprend ça. C'est une façon de parler. Je divise la responsabilité entre toi et Charon. Tu vois, je suis sport. Alors, c'est important. C'est tellement important. Si je pouvais vous faire comprendre l'importance de pouvoir... La porte en arrière est pas bien fermée, hein? Ça me fatigue, ça. Y a-t-il quelqu'un dans la cuisine? Bon, laissez faire, quand si vous parlez. Alors, si on est capable de réaliser ça, on s'enlève un très lourd fardeau. Très lourd fardeau. Parce que c'est en faisant vibrer notre éther que l'ajusteur de pensée nous amène à l'intelligence, mais c'est en faisant vibrer notre éther aussi qu'il nous fait souffrir. Mais la souffrance, on n'a pas de choix. On est obligé de la vivre, la souffrance mentale. Pour clarifier, changer la vibration de notre corps mental qui nous amène éventuellement à la conscience supramentale. Fait que c'est important pour vous autres de prendre vos pensées, quelle que soit la nature de vos pensées, et de ne pas vous les associer personnellement. Fait que si vous avez des pensées cochonnes, il y a une raison pour ça. Peut-être qu'avant, vous étiez un prêtre. Puis pour balancer vos énergies, là, vous avez des pensées cochonnes. Fait que ça, il y a tout un jeu dans la mémoire de votre âme. Fait que tu comprends, si t'étais un moine avant, puis t'étais un cloîtré, puis t'arrives au 20e siècle, t'as des pensées cochonnes, ça vibre en maudit. C'est normal, c'est comme ça que ça travaille. Puis peut-être que t'étais un meurtrier, mais là, t'as des pensées spirituelles. Je veux pas dire que t'as été un meurtrier, mais va. C'est une balance constamment. Et c'est très important pour l'homme de pouvoir finalement en arriver à contrôler sa psychologie. Et contrôler sa psychologie, ça veut dire être capable de ne pas souffrir de sa psychologie. C'est la première étape. Si tu en arrives à ne pas souffrir de ta psychologie, mais tu commences à respirer un petit peu. Puis quand tu commences à respirer, mais là, tu commences à donner à ton esprit la capacité d'enregistrer d'autres vibrations. Ces autres vibrations-là, c'est l'intelligence. Pourquoi est-ce que ça a toujours été caché à l'homme, le phénomène de la pensée? Pourquoi est-ce que l'homme a été mis sous l'impression du monde spirituel? Parce que l'homme, s'il n'avait pas été mis sous l'impression du monde spirituel, aurait été alourdi tellement par sa pensée matérielle, sa pensée inférieure, qu'il se serait découragé. L'homme aurait perdu un sens à la vie. L'homme, il y aurait eu comme des portes autour de l'homme. L'homme se serait suicidé. Alors, l'homme a eu des pensées spirituelles. De temps en temps, t'en reçois des pensées spirituelles. Mais le pire, c'est que les pensées spirituelles, comme les pensées cochonnes, ils viennent de la même place. Ils viennent de la même place. Moi, au début de la fusion, je disais à eux, hein, comment ça se fait? Je disais, comment ça se fait que vous nous contez des blagues? Parce qu'on est niaiseux au début. On n'a pas l'expérience de l'intelligence. On ne connaît pas les lois. Puis je dis, comment ça fait que vous... Des êtres de lumière. Vous êtes supposés d'être des êtres de lumière et vous nous mentez comme des charlatans. Tu sais? Je te demande une question, donne-moi une réponse qui convient à la question que je te demande. Non, c'est toujours des petits ratourages, puis des petits ratourages, puis des petits ratourages. Puis il me disait, ben mais si tu me demandes une question, puis je te réponds, tu as le pouvoir d'intelligence, tu as un pouvoir d'intelligence infuse. Tu vas me demander combien est-ce que l'atome d'un carton de cigarette m'a te le dit, tu vas savoir. À ce moment-là, tu tombes dans un pouvoir, puis on peut pas te le donner ce pouvoir-là, parce que si tu as ce pouvoir-là, tu changes la vibration de la conscience planétaire, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Fait qu'en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On donne une réponse qui convient temporairement, ou on dit c'est pas important, ou on dit on veut pas le dire, ou on te compte une blague pour créer en toi des chocs vibratoires, pour t'insulter ton intelligence, pour que t'en arrives un jour à comprendre que c'est sans importance ce qu'on te dit. Fait qu'après ça, mais quand tu commences à réaliser que c'est sans importance ce qu'eux autres nous disent, on commence à réaliser que c'est sans importance nos pensées, on commence à se libérer du fardeau émotif et intellectuel de la pensée, fait qu'éventuellement, on sort de la pensée. Fait qu'éventuellement, t'es plus capable de penser, puis t'es bien. T'as rien qu'à parler. Ça sort. Ou tu communiques avec eux autres, mais dans ce temps-là, au moins, la communication est intelligente. C'est pour ça qu'ils peuvent pas, nous parler dans notre tête. Comme nous autres, on se parlera entre hommes. Moi, si je te demande une question, tu me donnes une réponse. Tu me joues pas tout ça de singerie. Mais avec eux autres, c'est toujours de la singerie, puis de la singerie. T'es pas capable de demander une question droite, ils donnent toujours une réponse. Tu peux pas capable de demander une réponse? Une réponse droite? En tout cas, la question, pas la réponse droite. T'as toujours une question, puis une réponse croche. Ils en sont fatigués. Puis au début, on ne sait pas, parce qu'on est naïf au début, on est spirituel au début. On pense que l'intelligence, ça fonctionne selon les lois de l'intellect. Ça fonctionne pas de même. L'intelligence, c'est de l'énergie. Fait qu'il nous casse des pieds pendant des années de temps, puis des années de temps, puis des années de temps. Puis éventuellement, notre corps mental est développé. Puis à ce moment-là, ben, on n'a plus besoin de leur demander rien. On n'a plus besoin de penser, on n'a plus besoin de réfléchir. On agit, puis ça se fait instantanément. Mais c'est évident, grandir à ce point-là, mais t'es bien sans tête. Tu peux pas être bien. Parce que le bonheur de l'homme, il est toujours en fonction de sa pensée. Fait que si tu penses pas, mais t'es bien, t'es aux oiseaux. Puis si tu communiques avec eux autres, puis c'est intelligent, mais t'es aussi bien parce que c'est intelligent. Mais aussitôt que tu sors de ça, tu peux pas être bien. Fait qu'on a des changements vibratoires, on a des états qui nous empêchent d'être bien dans notre peau. Fait que moi, je vous le dis parce que je connais la game, je l'ai vécu à la game, je vous dis, vos pensées vous violent tout le temps. Tout le temps. Ils vont toujours, je vous le dis, ils vont toujours vous jouer un tour, même si vous pensez que c'est bon. Ils peuvent vous dire, bon, mais là, Jean-Paul, là, ça sera bon que tu donnes des cours, là. T'es capable, parce qu'ils sont forts, ces cours, eux autres, en haut, là, tu sais. Ça sera bon que tu donnes des cours, tu pourrais te donner des cours, tu commences à être intelligent, là, on va te parler, là. Puis Jean-Paul, il dit, qu'est-ce qu'il m'a parlé? Ah, oh, il dit, inquiète-toi pas, on va te dire ça quand tu vas commencer. Fait que là, Jean-Paul est content, ça, c'est l'ego, là. Spirituel, puis l'émotion, puis le mental, Jean-Paul, il veut. Alors, ils vont parler à Jean-Paul selon son tempérament. C'est toujours de même. Puis moi, je sais que quand tu commences à travailler avec l'énergie, il y a des conditions de vie qui te sont imposées qui font que tu t'en vas dans cette direction-là. Tu n'as même pas besoin d'y penser, tu sais que c'est ça. Ça se fait tout seul. À ce moment-là, ben, tu fonctionnes. Alors, que l'homme réalise qu'il est violé par les pensées, c'est une des plus grandes réalisations de l'homme du 20e siècle. C'est la plus grande révolution dans la psychologie de l'intelligence. C'est la plus grande révolution dans la psychologie du comportement humain. Il y a des gens qui font des affaires dans la vie qui sont pas kosher, puis ils réalisent même pas qu'ils sont poussés à ça. Notre péquiste, c'est un exemple, qui est allé chez Eaton. Il était poussé à ça. On est violé dans notre droit d'agir avec intelligence parce qu'on n'est pas encore dans l'intelligence. Alors, automatiquement, on subit les modifications constantes de l'énergie dans notre corps mental, dans notre corps émotionnel. Pourquoi? pour des conditions de vie que nous autres, on est obligés de vivre et qu'on ne comprend pas. C'est extraordinaire. C'est pour ça que, moi, des fois, les gens pensent que je suis bien autoritaire. Je suis pas autoritaire. Je suis en rébellion constante. Je suis un rebelle né. Je suis un anarchiste, pas social. Je suis contre tout. Je suis anti-tout. Je veux rien savoir de rien. Je sais tout. Fait que tu comprends que je suis bien. Mais on est obligé de se dépouiller de ce qui nous fait plaisir pour réellement comprendre ce qui peut nous faire du bien. C'est effrayant. C'est effrayant. Il y a un centre dans l'homme. Dans l'homme, il y a un centre. Moi, je conçois l'homme comme étant des étages là, dans lesquels il n'y a pas de lumière. Le physique, le vital, l'émotionnel et le mental. Ça, c'est sombre. Puis ensuite, là, il y a un autre plan. Là. C'est un gros spotlight. C'est comme ça que je vois l'homme. Il y a un gros spotlight. Puis c'est rien que de ça qu'il vit. Puis c'est de ça qu'il arrose tous les plans en bas. Il vit rien que de ça. Son centre est là. Son centre est quelque part. Moi, je ne sais pas ce qui est mon centre, mais il est quelque part ici, là. Il est ici. Puis tu viens de partir de là. Puis c'est tellement dense, ça. C'est tellement concentré, ça. C'est pas influençable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de l'intelligence. C'est extraordinaire. Des fois, vous avez des petites brites, là, vous avez des moments dans votre vie où vous vous sentez intelligent, là, réellement dans votre patente, là, ça dure peut-être 10 minutes, une demi-heure, puis ensuite ça retombe encore. Puis ensuite, la semaine prochaine, vous en avez encore un petit peu. Ensuite, ça retombe. Mais quand tu vis tout le temps dedans, ben, t'es un cheval de vapeur. T'as pas de choix, parce que tu vibres, puis tu vis tout le temps 24 heures par jour. Mais, t'as plus de pensée pour t'embrouiller l'esprit. Et à l'autre, la petite porcelaine, là, de temps en temps, elle est hop, de temps en temps, elle est dans. Puis quand elle va me voir, elle vient me voir à tous les deux mois, elle dit, là, comment est-ce qu'elle me dit ça? Puis elle branle, parce que c'est une petite porcelaine. Une petite femme délicate, à la classe. Puis elle branle, puis elle me dit, là, je me sens bien. Là. Ça va bien, là, je comprends, je commence à saisir. Là. Puis chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, je commence à saisir. Ça fait 5-6 fois qu'elle me dit qu'elle commence à saisir. Dans 10 ans, elle va dire, là, je commence à saisir. Puis elle branle, là, puis elle est contente. Mais c'est le même que ça marche. Plus tu avances dans le temps, plus tu saisis. Mais tu arrives à un point où tu saisis tellement là qu'il n'y a plus rien de neuf dans ta vie. Quand il n'y a plus rien de neuf dans ta vie, tu vis. Il n'y a plus rien de neuf. C'est tout le temps ça. C'est ça être bien dans sa peau. C'est normal que vous ne pouvez pas être de même tout de suite, mais ça se fait petit à petit. Tu peux pas renier ton avancement dans ton intelligence. Quand tu deviens plus intelligent, tu regardes en arrière, tu sais que t'as avancé de 2 pouces ou 1,5 pouce. Tu le sais. Comme avec le grand de la belle-mère, elle disait avant, t'es niaiseux, tu le sais. Ben, ou si toi qu'elle dit que t'es niaiseux, tu le doutes. Comme ça, tu le sais. Tu sais, ben, ça marche. Parce que c'est pas rien que de la pensée en notre tête qu'on souffre. On souffre des mots des autres. Parce que ça revient à la même affaire. Quelqu'un qui dit que t'es niaiseux, tu te fais embarquer par le baron de Montréal, tu vibres. Peut-être, si t'es pas trop concentré, là, peut-être parce que si c'est ton père ou le curé qui te le dit, ça dépend des mots. D'un coup, il dit c'est l'antéchrist ou il fait de la magie noire. Ça, c'est un autre mot. Si quelqu'un dit ta magie noire, là, ça vibre dans ton esprit, ça vibre. Parce que t'as pas ta centricité. Au moins, si t'étais dans ta centricité, tu saurais si je fais de la magie noire ou non, mais au moins, ça serait bien tranché la question. Mais tu sais pas, fait que t'es pogné encore. Fait que tu souffres des pensées des autres, des paroles des autres, puis en plus de tes pensées, fait que tu comprends que t'as pas grand temps pour aller au cinéma. Puis y a pas de remède contre ça. C'est le temps. Le temps, c'est le remède. Le temps, c'est le remède. La parole, c'est un onguin. Mais le temps, c'est le remède. Ah, ça, c'est définitif. C'est une petite export dans le coin. Amy Michaud, il dit j'aurais dû faire ça avant l'explication de Bâché. Amy Michaud, c'est mon confesseur spirituel, puis il mesure tout le temps mon avancement. Il me check. Il me fait penser au gars qui travaille sur la traque, puis il check les trains quand il arrive. Mais, ce qui est important, c'est que je le fasse dans le temps. Si je l'avais fait avant, les gens n'auraient pas compris autant qu'aujourd'hui. Parce qu'avant, il fallait que j'explique d'abord qu'on pense qu'on pense. Puis ensuite, il faudrait que j'explique que l'homme peut communiquer. Puis ensuite, il faudrait que l'homme fasse l'expérience qui se fait jouer des taux tout le temps. Puis ensuite, vient le temps où t'expliques qu'on se fait violer. Il y a un ordre. Si j'avais dit au début de tout qu'on se fait violer, puis que j'aurais pas expliqué qu'on pense, puis toutes les autres étapes, ça aurait été à l'envers. Fait que c'est pour ça que je suis obligé d'attendre. Il y a un temps pour toute chose. Il n'est pas déjà 5 heures. Il est déjà 5 heures. Faut qu'on laisse parce qu'il faut qu'ils prennent la salle, c'est un samedi, c'est pas comme les autres jours. Mais, juste pour cette fois-ci, ouais, j'aime pas ça être oui d'arrêter comme ça. Fait que c'est important qu'on réalise qu'on se fait violer chaque fois qu'on pense. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on réalise que même si on se fait violer, on ne doit pas perdre d'énergie. On ne doit pas en souffrir de se faire violer, autrement dit. Puis troisièmement, on doit faire en sorte que si on se fait violer, on ne s'occupe pas de la nature du viol. Ça, c'est important. Soit que graphiquement, je vous dis, si vous avez des pensées cochonnes, occupez-vous, cassez-vous pas la tête. Parce que si vous cassez la tête, là, vous allez amplifier votre mal, dans ce sens, votre souffrance. Parce que vous allez mettre de l'émotivité dans ça. Puis ça, c'est ça notre problème. Parce qu'on vit psychologiquement, puis tant qu'on ne cessera pas de vivre psychologiquement, on ne pourra pas vivre de l'énergie d'intelligence. On ne peut pas vivre psychologiquement. Parce que vivre psychologiquement, c'est vivre constamment sous la jurisprudence de la pensée.